J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. Mes souliers, mon vélo. En Arthur, on ne pense que ça, la police, il y a les examens et tout, pour tout le suite, tu vois. Ça se présente plutôt bien, finalement. Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. Une queue chanteuse. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blanc. C'est la viande Barbie. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Le garçon m'encule. Je suis projeté en dehors du lit. En 3 secondes, j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule. Salut, enfin un nouvel épisode. Excusez-moi, j'ai eu quelques galères avec mon micro que j'ai laissé et que j'ai pas pu récupérer. Une galère pour faire des podcasts. J'ai dit que ce sera tous les jeudis et j'ai pas respecté. Je m'excuse. Là, on va essayer de relancer. Mais arrêtez de croire les promesses en l'air à un moment donné. Arrêtez de me croire. Dites-vous, jeudi prochain, il n'y aura pas de podcast. Comme ça, s'il y en a un, vous êtes content. S'il n'y en a pas, vous n'êtes pas déçu. Mais là, on va faire un épisode avec Jordi et Annika. Des personnes que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça, au final, je trouve. Mais que j'apprécie vraiment. C'était un plaisir de faire un podcast à trois à nouveau. Ça m'a fait plaisir. Je vous laisse écouter ce podcast qui est très intéressant, vraiment très intéressant. Alors, on est avec Jordi et Annika. Alors, en général, je démarre pour savoir, on va commencer Jordi. Ouais. Comment ça va sur une échelle de 100? Alors sur 100, sur une échelle de 100, ça va à 70. 70. Ouais, 70. Okay. Si tu es sur 100, ouais, c'est 70. Une gorgée d'eau. Alors pourquoi à 70? Parce que déjà je jeûne, donc voilà, j'aimerais bien boire et manger. Et à côté de ça, j'aimerais bien aussi. Arrête de. Pourquoi tu t'as. Ah là, on se fout de la gueule ici. Non, non, et donc du coup, 70 parce que voilà, et parce que j'ai la santé, j'ai un toit, j'ai des gens qui m'aiment, donc on monte à 70 facile, et après il manque que des choses que j'aimerais bien accomplir encore dans ma vie. Ok, 70. C'est beau? Ouais. Ouais, ouais, je trouve ça assez bas perso, mais. Grave! Je trouve ça bas? Juste ouais. Pas. Non, mais le gars il dit, j'aimerais accomplir des choses dans ma vie. Ouais, je suis à 30% de mes objectifs, j'ai pas envie de dire je suis à. Ouais. Tu penses qu'à l'heure tu seras à 100? Le jour où je suis à 100, j'essaierai de voir où est-ce que je peux encore monter, quoi. Et je pense qu'on peut toujours monter jusqu'à ce qu'on rende l'âme. Donc voilà. Ok, c'est super glauque, mais. Ouais, mais vraiment, non, mais je suis un optimiste et un mauvais en calcul parce que 70, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup, je trouve. Moi, je trouve ça pas beaucoup, hein. 70, c'est pas beaucoup? Bah, sur 100, non. Ouais, et parce que j'ai pas envie d'être à. Ouais, je suis à 90. Il me manque 10. Jordi, et... elle, ouais. Non, pas du tout, je suis pas du tout. Non, vraiment, je suis à 70, je trouve ça bien. Ok, hein. Bah c'est bien. Hein. Tu parles, mais toi, Annika, t'as combien? 98. 98? Grave. Trop bien, c'est le plus gros chiffre qu'on ait eu. Exactement. Sérieux? Ouais. On peut dire que t'es une hypocrite? Vraiment, 98. Ouais, grave. Grave, 2% de... si j'avais eu 20 minutes de sommeil de plus cette nuit, j'aurais dit 100. Ah ouais? Mais non. Ah, c'est juste le sommeil qui te manque. Ah, mais t'es... Mais d'où t'as, à quel moment t'as 100 dans ta vie? Ah, mais excuse-moi, moi je suis bas, mais elle, excuse-moi, mais t'es très haut, quoi. T'es très haut, excuse-moi. Là, tu vas trop loin. Genre, justement, toi, tu parlais du fait d'avoir des choses à accomplir. C'est ça qui est trop cool. Mais bien sûr. Qui mais fait c'est... que ça monte. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis juste à 70. T'imagines, tu te lèverais le matin, tu je sais pas quoi faire. Mais voilà, non, tu peux descendre. Mais bien sûr. D'accord, mais genre, admettons, demain, t'as l'Olympia, toi. T'es à 115, comment ça se passe? Genre. Ben non, mais parce qu'on aura. Je voudrais autre chose. Tu crois que tu seras insatisfaite toute ta vie? Mais bien sûr, mais est-ce que le fait d'être insatisfaite. Non, mais moi je. Non, mais est-ce que le parlons, fait d'être insatisfaite. Genre, justement, ça devrait pas te baisser? Genre, enfin, un peu le moral? Genre, de pas avoir ce que tu veux, toi? Non? Ben non! À la fin de la discussion, il va dire, moi, je suis à 30. Le mec, il veut pas que je sois à 98, juste pour 20 minutes de sommeil. Genre, 10 minutes de sommeil, t'aurais été à 99. En vrai, non, les 2%, c'est que... alors, c'est trop cool. J'ai une pote, je t'en ai parlé, Jordi, une pote que j'ai rencontrée qui est israélienne, qui habite à Tel Aviv. Et ça faisait un an que je l'avais pas vue. Et là, elle est revenue. Et du coup, on passe 2 semaines ensemble. Je l'héberge. Et il y a ce truc ambivalent de « c'est trop cool, je la revois et tout », et en même temps, je dois l'héberger, je suis jamais tranquille chez moi, tu vois. Ah, donc, genre, ok. Genre, cette nuit, il y avait quelqu'un dans mon lit, quoi. Ouais, tu sentais qu'il y avait quelqu'un. Il y a une présence tout le temps. Ouais. D'accord. Donc, ça peut jouer sur le baisse de morale. mais 2%. Ça fait 2%, c'est vrai. Ben, en vrai, voilà, c'est... Ça veut dire que je la revois aussi, c'est cool. Ouais, bah oui. Et, mais pour revenir sur ce qu'on disait, ben non, justement, le fait de se réveiller, de dire oh, « aujourd'hui, j'ai ça, j'ai telle scène, et je vois un tel, et machin », c'est trop bien, les gars. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je suis à 70, mais je suis pas encore épanoui professionnellement, donc c'est pour ça qu'il reste encore 30%, et je pense que le jour où j'aurai ce que... où là, je pourrais dire « putain, mais je suis arrivé là où j'avais envie d'être », et ben... je suis à 100%. Ouais, moi je suis un peu comme... Ah, c'est ça, ouais. Enfin, pas totalement. Moi, en vrai, là, je serais 90. Bon, voilà. Ouais, mais moi, je suis pas à plaindre. Et le dernier pote. Non, mais j'ai la santé, je suis heureux, moi. 95. Bah, j'ai un peu de gars d'argent, safe aussi. Ok, mais, l'argent. C'est tout. Mais... Bah, ça compte quand même, je trouve. Non, mais bien sûr, non, mais grave, évidemment. Pourquoi tu me regardes en souriant? Et non, parce que vraiment, 70, c'est beaucoup, excusez-moi, mais c'est bien 70. Moi, je trouve pas ça beaucoup. Hein. C'est vrai? Pour moi, 70, c'est. Bon. Je me lève le matin et il y a très peu de choses qui me font sortir de mon lit, quoi. C'est genre, la vie va bien, j'ai la santé, j'ai machin. Non, mais... alors, moi, je le vois plus en mode, je suis à 70. C'est pas assez, et en fait, j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. Si moi, je suis à 98%, je me dis, bon, ça va, je vais pas aller jusqu'à 100. Tu vois, je suis proche des 100. Donc, je préfère me dire, vas-y, t'es que à 70, tu peux que monter. Ah, alors, voilà, c'est juste, on a une vision différente de la question. Ah oui, c'est parce que moi, je peux très vite me reposer sur mes lauriers. Moi, le fait qu'il y ait des choses à accomplir, ça fait monter. Et toi, tu dirais qu'en fait, tu serais pas satisfait si t'étais à 100. En gros, c'est ça que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que à 70, je suis loin des 100 et je peux pas être plus haut que 70 parce que ça voudrait dire que je trouve que plus je monte et moins j'ai envie. Je peux très vite me reposer sur mes lauriers. C'est-à-dire que plus je monte et vas-y tranquille. Non. Là, je suis à 70, c'est faible pour vous. Pour moi, je me dis bon, ça va, mais je sais que 70, c'est encore loin des 100. Et il faut que je les atteigne. En fait, tout le temps la pression. Le but, c'est qu'il faut que je les atteigne. Et je suis pas du tout encore. Si je suis à 95, je me dis, bah, ça va, il me reste que 5%, qu'est-ce que c'est? Tu vois, tu viens de me remettre en cause tous les trucs où des fois, tu sais, je lande et je me dis, pourquoi je lande? En fait, c'est parce que je suis à 90. En fait, je serai à 70, peut-être que je landerai moins. Ah, tu vois, mais je le vois comme ça, ouais, je le vois comme mais ça. Mais les gars, la fin en soi, c'est pas d'être heureux, genre. C'est pas d'accomplir, c'est d'être heureux. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Non, moi, je le vois pas comme ça. Si aujourd'hui, t'es bien et que tu t'as pas travaillé tes textes et machin, mais que ça va moralement, c'est cool. Enfin, oui, travaille-les tes textes, mais c'est pas grave, repousse-les à plus tard. Ouais. Tu vois En vrai, ouais. Moi, non. Je pense pas que être heureux, le bonheur, c'est ça. Enfin, c'est un peu genre, est-ce que t'as le bonheur, est-ce que t'es heureux. Je pense que être heureux, c'est pas. Une fin en soi, c'est plus des moments, c'est plus une trajectoire. Ça veut dire vraiment, c'est moi dans ma vie, je suis quelqu'un d'heureux, je suis pas quelqu'un de dépressif, je suis pas quelqu'un de noir, je suis pas quelqu'un de sombre. J'essaye de sourire, enfin, évidemment, j'ai des moments de bad comme tout le monde, mais je souris à la vie, j'ai envie de faire rire les gens, donc je suis quelqu'un de je suis une lumière. Enfin, moi, je me considère comme ça, je suis pas quelqu'un de sombre et de terne. Oh, tu vois. Soleil. Non, mais ça, en fait, j'ai envie de lumineux, ouais. J'ai envie de faire rire les gens, donc je trouve ça très noble et très lumière blanche. Donc non, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que. C'est chiant, en gros. Mais non, mais c'est pas ça. Mais j'ai mal aux jambes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. En fait, les 70, les 30%, c'est le poids du monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que être heureux, je pense pas que c'est une fin en soi, parce que on sera jamais heureux. C'est pas, on va arriver à un moment, on va dire, ça y est, je suis heureux. Je pense qu'on est heureux dans des moments, c'est des instants, être heureux. Non, être heureux, c'est des instants, et aujourd'hui, je le suis, mais je suis pas épanoui. Heureux, oui, mais pas épanoui. Moi, ça m'est arrivé d'être heureux pendant un an, tu vois. Genre... Bien sûr, mais c'est un instant, ce sera jamais tout. Oui, c'est ça que je veux dire. Des galères, mais s'il n'avait pas eu ces galères-là, oui. Je serais resté tranquille, tu vois. Mais on a toujours des galères dans la vie, mais C'est ça, donc on pourra jamais arriver à un stade où on dit, bon, bah là, je suis heureux. Genre, sur un an, t'as pas eu des petits moments au coup de mou. Moi, je suis heureux, là. Sur un an? Sur un an, pas pleurer, pas de, oh, je mets une petite musique triste pour. En vrai, là, c'est, il y a des petites galères financières avec ma meuf, mais depuis que je suis avec ma meuf, en vrai, je suis trop bien. Trop bien. Donc ça va pas un an, là ça va faire 10 mois, mais bon là ça rebaisse, mais sinon tout allait bien. Ah, mais bien sûr, mais moi je suis trop heureux dans ma vie, mais c'est pas une fois en soi. J'ai pas envie d'un jour d'arriver et me dire le jour où je vais être heureux, ça va être bien. Non, moi, pour moi, je suis heureux tout le temps. Je suis un mec où je suis heureux. Je vis dans un pays qui est pas en guerre, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai la santé, je suis heureux. Mais la sagesse, gars. Non, mais évidemment, j'ai des coups de botte comme tout le monde. Hier, il pleuvait. Bon, bah, on était lundi. Pas lundi hier, mais bon, si on était lundi. Si, non, t'es pas lundi. Non, on était mardi. On était mardi, oh, ouais, grave. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, être heureux, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est vraiment un mood. Moi, okay. Je suis heureux, là, je suis grave heureux. Dans ma vie sentimentale, okay. Je suis grave heureux. Dans ma vie professionnelle, un peu moins. Ok. Mais heureux, oui, mais épanoui, non. Ok. Donc, il a séparé le bonheur et sa note. D'accord, ok. Bonsoir. Voilà, c'est moi. Voilà, du coup, c'est une gare. Fin de ce podcast. Merci, c'est vrai. Merci, l'avenir sera drôle. Pas du tout. Après ça, l'avenir, il est pas drôle. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de pas être en guerre. Merci de nous avoir écoutés. Ah, j'ai fait un discours de Miss France. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, je pense pas qu'être heureux, c'est un point final. Voilà. Ok. Ok, Jordi, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up, toi? Que je fais ou que je pense à faire du stand-up? Ah, bah tiens, les deux. Parce que je pense à faire du stand-up depuis que j'ai... Ah, bah tiens, les deux. Depuis que j'ai 15 ans. Depuis j'ai 15 ans, j'ai envie de faire rire. Par n'importe quelle voix, que ce soit sur scène, que ce soit en vidéo, que ce soit à la radio, que ce... n'importe quel média. Et ça fait peut-être depuis mes 20 ans que j'ai envie de faire du stand-up, mais j'ai jamais osé croire, oser... passer le pas, jamais de ma vie, c'est trop jusqu'à mais tu faisais des vidéos toi avant de faire du stand-up? Ouais tu faisais pas mal de trucs sur les réseaux. Faire rire, ça je voulais, j'ai trop envie de faire rire, mais faire du stand-up, je n'osais pas y croire, je n'osais pas me dire non mais un jour je vais passer devant des gens et jamais. C'est assez huge comme ça quand tu penses. Ouais de ouf. Et c'est en passant le confinement que je me suis dit le premier confinement, je me suis dit vas-y. Ma meuf en plus elle me tannait et elle m'a grave poussé. Et comme elle est chanteuse, donc elle est dans ce truc-là, elle comprend, et elle me voyait que j'avais envie et qu'en même temps, je freinais, et elle m'a dit « vas-y », et celle qui m'a poussé à envoyer un message au No Name, on a tous connu le No Name, le No Name de Auguste. Genre on ne le connaît plus. Ah ouais. Non, mais on l'a connu. Non, mais on a tous connu, genre vraiment quand on débute, putain, mais tu peux aller voir Auguste et lui dire « je peux jouer ?» Voilà, vas-y, viens. Donc vraiment... Alors il a pas cette très voix. Bonne imitation d'Auguste. Il a pas cette voix, Auguste. Mais vraiment, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma place au No Name. Et après, voilà, ça a commencé comme ça. Entre deux confinements, ouais. Entre deux confinements. C'était qui ton Est-ce que t'as vu genre un Montreux ou un spectacle? Du coup, t'as repris le podcast. Écoute, Jordi, quelles sont tes passions à elle? Je te jure, sur la fiche, il y a marqué présenté par Vincent. Et des fois, Nika. Premier degré, en plus. Mais vraiment. Elle a pas dit pardon, elle a dit oui. C'est une discussion, non? Non, mais t'as raison de ouf. Mais non, mais voilà, c'est depuis mes 27 ans et demi, je crois, que je me suis mis à faire du stand-up. Et que je regrette pas du tout. Et qui sont mes aspirations? Pas en mode depuis que t'as commencé le stand-up, mais avant déjà. Est-ce qu'il y a un truc que t'as vu et t'as fait ah ouais, ça je veux le faire, quoi? Quand t'avais 10 ans, genre... quand t'avais 10 ans, tu regardes les gens comme. Mais moi j'adorais les inconnus, moi. J'avais les DVD pour vous dire à quel point je kiffais les inconnus. Tu pensais déjà? Ouais, quand j'avais 10 ans, je me suis dit là j'ai envie de faire rire. Moi j'ai envie de faire rire. Quand j'ai vu les inconnus, j'ai vu des sketchs, je les ai vus sur scène, j'ai même vu faire du stand-up, je les ai vus à la radio, je les ai vus faire des musiques, tout était pour le rire. Et je me suis dit, mais c'est trop ça que j'ai envie de faire. Et j'ai tellement kiffé que je regardais même ce qu'il y avait à côté, dans le DVD. Tu sais, il y avait les crédits, il y avait les making-of, il y avait tout dedans. Et j'ai tout regardé, des trucs que je comprenais même pas, et je regardais tellement, je voulais rien louper. Donc ouais, les inconnus et les guignols de l'info. J'adorais ça. Mais je comprenais rien à la politique, rien, mais il y avait des gros mots. Il y avait des grimaces et tout. Ouais, il y avait exactement des trucs comme ça que je regarde depuis mes 2 ans. C'est bien, les guignols. Ma mère, elle m'a dit, je te mettais devant les guignols, tu comprenais rien, mais tu pleurais pas. Je lui dis, ok, bah, je crois que ça a remis beaucoup de choses en question après. Donc voilà, ouais, depuis petit, ouais. Les inconnus, et après les Gad Elmaleh, les Jamel Debbouze, je pense qu'on a tous vu ça. Même si on n'aime pas, on a tous vu. Et ça, c'est la folie, ça. Là, je me dis, mais j'ai envie de faire rire, en fait. J'ai envie de faire rire les gens sur scène. Je veux que les gens, maintenant, ils le voient. Je veux que les gens, la blague, rire. Je kiffe ça. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que le stand-up est venu à moi. D'accord. Et toi, Nika, du coup? Moi, j'ai commencé en septembre 2021, à Bruxelles. J'avais commencé là-bas, j'étais partie habiter là-bas. Et je suis allée au Kings of Comedy Club. Et là-bas, j'ai Bah, en fait, c'est le régisseur de là-bas. Il m'a dit, je te mets sur un open mic. Et j'étais, non, tu sais, genre. Et après, je dis, allez, vas-y, fais-le. Et vraiment, éclaté ma première scène. Je sais pas, toi, Jordi, ta première scène, moi, c'était un peu éclaté. Non, non, ça va. J'ai tout déchiré. Je pensais que ça allait être pire parce que vraiment, moi, vraiment, je me suis dit, mais je peux pas, je vais me vautrer. Genre, vraiment, je suis très défaitiste. T'avais vraiment écrit un texte propre et tout. Ouais, j'ai encore la vidéo. Ah, j'ai encore, vidéo. J'ai encore ma vidéo. Il y a ma copine à côté, ouais, il y a une vidéo de moi. Et c'est une cassette, première fois. Ah, vraiment, ouais. Et bientôt sur Amazon, dans 20 ans, il y aura. Et elle a 10 bits. Non, mais il y a toujours ma vidéo, mais parce que c'est pas très longtemps, ça fait juste un an et demi. Et ouais, j'ai toujours ma vidéo et je l'ai pas revue, mais j'ai pas envie de la revoir maintenant. Regarde-la pas. Ouais. J'attends encore, ouais. J'ose pas encore me revoir. Mais ouais, je partais tellement défaitiste que quand je c'est passé, j'ai dit bon, ça va. Après, j'ai connu des soirées où, ouais, non, en fait. Brouillé. Il va falloir bosser, les gars. Mais toi, t'avais envie de faire stand-up depuis combien de temps? Et toi? Non, parce que, en fait, j'ai compris ce que tu faisais. T'esquives des questions depuis tard. C'est pas ton podcast, la ligne. Exactement. Réponds non, à Barra Vincent. Des questions, tu disais quoi? T'avais envie de faire ça depuis. En fait, je me rappelle que j'avais vu une émission à la télé avec mes parents. Je devais avoir 14 ans, allez. Et je dis, un jour, je voudrais trop faire rire les gens. Et ils avaient ri au dîner, ils avaient dit, pas du tout, Nini, je te vois trop pas sur scène, nanana. J'étais en mode, ok. Mais j'avais aussi eu ce truc-là de regarder DVD et tout. J'avais une obsession pour Franck Dubosc. J'adorais Franck Dubosc. Pour toi, public. Ah ouais, mais grave. Je les ai tous regardés plusieurs fois. Maintenant, ils sont sur YouTube. Je les ai revus. T'as déjà vu, Vincent? Non. C'est si drôle, gars. Je les ai revus, ouais, c'est très drôle. Très drôle, et après il y a le making of, il y avait un peu Elise Moon dedans, enfin franchement, non. Hilarant. Moi je voulais trop faire des petites vidéos comme ça, je m'étais chauffée avec une pote, finalement, bah, comme tous on dit, faudrait trop faire ça, ouais, vraiment. Rien. C'est pour ça que stand-up c'est bien, tu comptes que sur toi-même. Ouais. T'as pas de, ça te dit, on se donne rendez-vous, gna gna gna, puis t'es là, je dois voir ma meuf, oh ta gueule. Puis le résultat tu l'as tout de suite, c'est-à-dire t'écris, ouais. Tu joues. Oh bah si c'est pas drôle, tu rebosses, ouais. tu réécris, tu rejoues et ainsi de suite à chaque fois comme ça. Mais vraiment, alors pour le coup, un vrai déclic, c'est quand j'avais vu le Montreux de Fanny Ruée. D'accord. Alors ça par contre, j'avais déjà 20 ans et déjà, et ça pousse vite, de 14 à 20 ans, il y a une petite ellipse là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé quand t'as vu Fanny Ruée? Eh ben je vais te le dire. j'avais regardé son Montreux et genre je trouvais ça ouf que ça existe, une meuf un peu genre petit gabarit, qui avait une voix un peu plus douce, tu vois, et je me suis dit, ok, il y a tout, en fait, et c'est possible de faire Marie. C'était son sketch sur Je veux pas d'enfant. Ah, donc quelqu'un un peu à qui tu peux un peu t'identifier. Quelqu'un, t'as dit? Quelqu'un, ah, t'es chiant, quelqu'un à qui tu peux un peu t'identifier. Ouais, genre, ouais, de ouf, de okay. Ouf. Et après, je commençais à regarder tous les Campus Comedy Tour. Et à ce moment-là, j'étais... Comme le DVD, tu l'as saigné, le YouTube... J'ai saigné YouTube, ouais. Et à ce moment-là, je travaillais en finance. Et je me rappelle, parce que c'était le Covid, et j'étais en télétravail devant mon ordi, et je me marrais devant les vidéos. Et après, quand j'avais une demande par mail, je revenais sur les mails, je disais, qu'est-ce que je fous là, et tout. Pourquoi j'envoie des mails à des traders, alors que... Et ouais, pétage de câble un peu. Et puis, au final, je l'ai fait un an après, quoi. Un peu moins d'un an après, ma première scène. Ok. Et du coup, ouais, ça fait quand même. C'est d'accord, donc c'est ouf. Moi je suis très très content. Moi je suis très content de m'être lancé. Parce que pendant des années, mes amis, quand on allait voir du stand-up et tout, quand on allait au Paname, quand voir du stand-up toi? Ouais, j'allais voir. Et quand mes amis regardaient, et après me regardaient, et ils me disaient, mais je te vois trop sur scène. T'as vraiment l'attitude, t'as vraiment, parce que moi, quand je regarde du stand-up, je pense que depuis tout petit, je m'apprenne. Et du coup, ça fait aujourd'hui l'homme que je suis. Et donc, là, aujourd'hui, je suis tellement content de faire du stand-up. Je bide, mais je suis tellement content de faire du stand-up. Et de travailler pour, même si je pense que je peux encore faire mieux. Parce que je suis qu'à 70%, les amis. Donc voilà. Et toi, Vincent, comment t'en es arrivé au stand-up? Moi, quand j'étais jeune, j'avais des trucs, j'aimais bien les trucs qui faisaient rire. Mais genre, je pensais pas du tout à le faire. Genre, je regardais, bah, comme toi, Anne Romanoff, je comprenais pas les blagues. Tu sais, c'était beaucoup politique ou quoi. Oh mon dieu, nous dit pas tout. Ouais, ouais, non, mais tu voyais le. Je voyais qu'elle faisait rire les gens et du coup, moi, je rigolais aussi. Ouais. Il y avait aussi, pardon, dis-moi. Florence Foresti qui venait avec des perruques chirurgiées. Oui, j'adorais voir les perruques différentes comme ça. Ouais, les chroniques, les trucs comme. Moi, j'ai regardé De Coney Garcia. Sur les enfants de la télé. Bah, on va voir tout de suite. Voilà. Et moi, j'étais comme un ouf quand je regardais ça. Oh, les nuls, pareil. Ouais, mais plein de trucs de la télé que j'ai vu et mais je me suis dit. C'est ça, je pense qu'en vrai, on a été bercé un peu par tout ce qui était, bah, ce qu'on a vu. Hein, mais, bien sûr, grave, complètement. Mais du coup, moi, je regardais aussi On ne demande qu'à en rire. Bien sûr, moi aussi. Je regardais pas. Tu regardais pas. Moi, j'ai vu Farid, On ne demande qu'à en rire. Tu es allé là-bas? Non, j'ai vu. J'ai vu quand il s'est fait déchirer, déchirer et c'est un modèle parce que du coup quand tu vois aujourd'hui comment ce qu'il propose et comment il est technique et tout et quand tu le vois, on ne demande qu'à en rire, c'est très très dur de se faire juger par des gens et tu sens qu'il a vraiment gardé la tête haute et il était blindé et il était déjà hyper, il savait ce qu'il voulait, il savait où il allait. Putain, comment c'est le stand-up en faisant de la télé, gars. Ouais, mais en fait c'était un peu l'angoisse. Avant les réseaux c'était genre le passage obligé, non, mais il y avait Jamel et le On demande qu'à en rire. Beaucoup télé, de gens quoi. Ah ouais, mais bien moi, sûr. Moi là aujourd'hui j'ai peur, je passe à la télé, ils seraient comme des oufs à dire putain. Mais c'est la génération télé, nos parents. Faut qu'on regarde la télé machin, bah, et ils me verraient bider comme je pense. c'est pas elle. Zap. Ma fille c'est Shirley Soignon. Et du coup, ouais, bah, j'ai vu un peu tout ça. Ouais. Mais je m'étais dit, en fait, j'aime bien l'humour, mais je m'en ferai jamais ma vie parce qu'en fait, je pensais que pendant tout le temps, que fallait être drôle dans la vie, en fait. Et moi, je suis pas drôle dans la vie, et j'étais pas drôle, surtout quand j'étais jeune. Genre. Moi, j'étais ce gars-là. T'étais pas un peu comme moi? J'étais ce mec drôle. Ah ouais? Le mec drôle en classe, pas le perturbateur, mais mec. Le mec qui fait des blagues, et tu sais, même la prof, elle dit, ah, il est drôle celui-là, vraiment, tu sais, ouais, mais pas méchant, ouais, pas méchant. Ça m'étonne trop pas, mais toi. Vraiment, et parce que j'étais nul, sinon moi j'étais pas fort à l'école, j'étais pas le dragueur, j'étais pas le séducteur, j'étais pas le sportif, j'étais rien du tout, tout ça. Fallait que j'aie quelque chose, le rire. Et j'étais ça, ouais. C'était ça pour que j'existe en société et à l'école, c'était ça. Ah ouais. Et toi, non, ouais. Mais non, Farid, il était pareil, il était pas drôle. Moi, c'est pas vraiment, drôle. Merci de rattraper. Toujours besoin de comparer. Mais non, parce que. Les meilleurs étaient nuls à l'école. Mais non, mais parce que justement, c'est parce que tu peux ne pas être drôle et. Bah, c'est ça, c'est en vrai. Ça, moi, je me disais que j'étais pas drôle et pour te dire, moi, je me souviens d'un moment au lycée où en fait, on était en cours d'anglais. Je suis pas bon du tout en anglais. Hein. Mais j'arrive, je sors mes affaires, je pose sur la table et tous les mecs avec moi, ils n'avaient pas sorti les affaires. Moi, après, ils disent, putain, on peut pas faire comme Vincent. Donc vraiment, c'était vraiment le gars. Genre, que personne n'aimait en plus. En vrai, ouais, voilà. Merci de le rajouter. Mais c'est ça. Non, mais t'as raison, en vrai, c'est grave ça. Non seulement pas drôle, mais en plus, on lui jette des tomates. Toi, à la fin. Et du coup, je pensais que je pouvais pas faire du monde parce que j'étais pas drôle. Et un jour, j'écoutais le podcast Un Café de 7. On a écouté les mêmes podcasts. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps Café de 7. C'est incroyable. Incroyable. Non, et en écoutant, tu sais, je me suis dit, en vrai, on peut le faire. La moitié à droite du podcast, je me dis, je finis le podcast. Et après, je me mets sur scène. Et j'ai commencé comme ça début 2020. Et je le torche, le podcast, et puis. Ouais, c'est moi ça. Attends, t'as commencé début 2020, donc un peu avant le confinement. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais tu vois, j'avais. T'as dû avoir le seum quand il y a eu le. Ouais, mais j'avais la chance d'avoir écouté le podcast où on m'avait dit que c'était. Genre, j'aurais pu faire ça, je fais bon, c'était qu'un temps. Mais comme j'avais le podcast, dans ma tête, tu vois, je me suis dit, bah, en vrai, ça va être un truc de. En vrai, je trouve que les podcasts, ça cultive de ouf ton envie. Genre, moi, un bon moment, quand je l'ai saigné, vraiment, à la fin, c'était une évidence. Plus j'écoutais le podcast, je disais, mais c'est une évidence, putain, dès que. Je suis grave d'accord. Dès que je rentre à Paris, je. Non, je suis grave d'accord. Des fois, j'en écoute trop et du coup, j'ai trop d'infos et je sais plus où, donc j'essaie de piocher, mais ouais. Mais vraiment, ouais, je suis grave d'accord. Le Café au 7, je l'ai écouté. Je faisais la vaisselle dans un restaurant, en sous-sol. J'étais là en train. Et j'écoute. J'écoute. Ouais, les blagues et pourquoi tout. Pourquoi tu faisais ça? Bah, je travaillais. Je mettais les écouteurs pour. Mais tu étais plongeur? Pas plongeur, mais j'étais runner. Mais à un moment, il fallait laver les sets de table et c'est à moi que ça revenait le tâche. Tu faisais un peu d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, t'es runner. Tu faisais. Je faisais le monte-charge. C'est moi qui faisais le lien entre la salle et la cuisine. Ouais, je capte. Et j'écoutais pendant. T'étais serveur du coup? Non, pas serveur, runner. Moi, je parlais mais j'ai bossé en restauration. Ok, ouais. T'as bossé en restauration. Ouais, ouais. Putain, il veut pas comprendre. Pardon, excuse-moi, mais. Non, en fait, runner, moi. J'étais le monde champion. Non, mais c'est bien. Moi, j'étais balèze. Tu vois, au final, c'est pour ça que j'étais pas c'est... comme toutes les petites minettes, en les cerveaux. C'est pour ça que c'est moi qui gère le podcast parce que moi, je suis pas arrogant. Mais. Moi, je respecte les invités, tu vois. On est arrogant entre nous. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, mais. Au secours, mais. Je rigole. Mais oui, non, j'étais runner et. J'écoutais ça au boulot. Et j'écoutais ça, ouais, de ouf. C'est-à-dire vraiment quand, quand tu me parles de ça. Mais vraiment, j'écoutais ça à l'usine, j'étais à l'usine, j'avais mes écouteurs et normalement t'as pas besoin d'écouteurs à l'usine. Mais j'avais négocié avec mon chef, j'avais dit écoute, je mets mes écouteurs, tu vas voir, je travaille beaucoup plus vite, tout ça. Et j'avais mes écouteurs et j'ai commencé à écouter les podcasts. Tac, tac. Pareil. Et 75 épisodes quand tu travailles. En plus, moi je faisais 9h45 par jour. Et ça passe à une vitesse. Enfin, bah oui, bah tu m'étonnes, bah ouais. Donc c'était ouf. Bah c'est ça, ouais. Mais c'est fou, on a écouté, enfin, là, on se retrouve tous les trois, et on a écouté quasiment les mêmes podcasts. Donc, c'est-à-dire vraiment, tu sais, il y a un truc où on s'est, C'est pas nous trois, c'est les stand-upers. Non, mais là, nous ouais. trois, pardon, encore pardon à Nika, je suis désolé, mais nous trois ici dans la conversation. Je veux dire, c'est qu'on a à peu près les mêmes, on a finalement les mêmes goûts, quoi, les mêmes, on a les mêmes, je suis sûr. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, mais je trouve ça beau, on doit avoir les mêmes recommandations YouTube, et je trouve ça beau, c'est, voilà, ouais, c'est vrai que les recommandations YouTube disent beaucoup sur est-ce que tu t'entendrais, non? En fait, j'ai ma petite sœur qui est sur YouTube. Donc, techniquement, tu vas trouver des chansons bisous doudou et tout qu'il y avait à l'époque quand elle écoutait. Ah! Donc, du tout. On n'a pas du tout les mêmes recommandations, c'est sûr. T'as pas un ou deux montreux à côté? Si, bien sûr, c'est des trucs comme ça. Oui, mais en soi, c'est parce que c'est ta famille, donc t'es obligé de l'aimer. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est sur Terre, si vous regardez les gens avec qui on a les mêmes recommandations YouTube, je pense qu'on pourrait s'entendre. Oui, d'accord. On a les mêmes suggestions Instagram, on a tous les, on a écouté les mêmes podcasts. Ouais. C'est possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, pour vous, vous en êtes où dans le stand-up? Question dure. Je peux commencer, hein? Mais bien sûr, vas-y, Anika, ne me demande même pas, vas-y, commence. Je pense que là, déjà, j'ai passé un cap dans le sens où je m'impose une rigueur, là où je ne l'avais pas avant. Quel genre de rigueur? J'essaie d'écrire plus un peu toutes les semaines. Dès que je m'enregistre, je réécoute après et je prends des notes dessus. Là où avant c'était un peu YOLO, où j'évitais. Parce que je pense que, je sais pas vous, mais moi le fait d'avoir fait de faire du stand-up, de me filmer, de m'enregistrer, en fait tu deviens de plus en plus ok avec ce que t'es, ta voix, comment tu te tiens sur scène. Tu sais, des fois tu vois des vidéos, toi tu fais « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai touché mes cheveux comme ça? Ça me dégoûte. » Ouais. Et en fait, au fur et à mesure de te voir tes vidéos, tu fais « Bah non, en fait, c'est moi. » Et en fait, je suis grave stylée. Donc, oh, voilà. C'est génial de penser comme ça. Du coup, il y a ce truc de s'accepter. Et en fait, une fois que tu t'acceptes, plus facilement, tu as cette rigueur de te réécouter, d'être très critique envers toi-même. Là où avant, être critique envers soi-même, c'est un... Tu déchires ton cœur, quoi. C'est genre « Oui, je sais, j'ai bidé. » Je veux plus jamais écouter ça, alors que non, dans ton bide, il y a des trucs cool à écouter. Et donc voilà. Déjà, je crois que avoir passé ce cap, ça va m'aider. Ok. T'as passé ce cap depuis combien de temps? Bah, depuis, allez, un mois. Ouais, parce que c'est vrai que avant les vacances, je te voyais pas t'enregistrer tout le temps, te filmer, tout ça. Maintenant, c'est vrai que tu dois venir ici, une blague. Là, tu t'enregistres. Ouais, je te vois, tu t'enregistres. Moi, je le fais jamais. Ah ouais? Vraiment, mais je m'enregistrerai jamais. Jamais, parce que des fois je me filme et après je suis assez à l'aise avec parce que là j'ai fait une vidéo par exemple à Bordeaux. Après je regarde pas les vidéos quand j'ai bidé, d'accord, parce que je suis pas du tout à l'aise. Mais par exemple j'ai joué à Bordeaux et tout ça s'est super bien passé, j'ai regardé la vidéo, mais vraiment j'étais là, je regardais la vidéo, je fais putain, je suis trop fort, vraiment. que l'ego. Mais j'avais une autre vidéo à côté où je bidais et là je fais ah putain merde. Faut pas que je regarde, c'est bizarre. Non, mais c'est bien d'avoir ces moments de putain je suis stylé, tu vois. L'autre fois j'ai joué au peps et je me suis filmée et tout n'a pas marché, mais en voyant la vidéo je dis franchement ça passe, je pensais que c'était grave pire. Et ça fait du bien de ouf, et tu fais bon ok, maintenant on trie ce qui est bien et ce qui est pas bien, et putain on essaye de voir ça de manière plus cartésienne plutôt que d'être là dire oh, pourquoi j'ai mis ce pantalon aujourd'hui, je suis trop moche, enfin tu vois. Ah ouais, bah moi j'ai jamais eu ce problème là. Ah ouais. Ce truc de pourquoi je fais ça sur scène ou quoi. Moi je c'est vraiment où, des fois quand je m'écoute et je me dis putain on n'a pas compris la fin de ma phrase et je suis ah putain c'est une... ça tu vois c'est mon gros défaut c'est que j'articule pas mais c'est genre ça qui me saoule. Ah c'est mais jamais pas physique. Comment jamais physique jamais physique ouais ouais moi pour ça je suis assez à l'aise avec mon corps je sais pas si c'est ce si c'est féminin hein. Et toi j'en ai t'as l'aise avec ton corps Alors non, moi pas du tout. Moi, je, moi j'évite de me filmer. J'évite de me filmer parce que j'aime pas du tout, du tout, du tout me regarder. Parce que j'ai des problèmes encore avec mon moi. Donc non, non, je me filme pas. Moi, le pas que j'ai passé, le cap, déjà je me suis lancé. Ça pour moi c'était un cap parce que ça fait très longtemps que j'avais envie d'en faire. Moi j'ai 29 ans, donc en vrai, ça fait... T'as roulé ta bosse, toi? Non, pas j'ai roulé ma bosse, mais ça fait très longtemps, depuis avant le lycée, j'avais envie de le faire, mais j'ai jamais, je me suis jamais dit non, je vais pas le faire. Et le fait de m'être lancé, pour moi, c'est un cap de fou. Et le deuxième cap, c'est que maintenant, je connais des gens sur des gens qui ont des plateaux et là où je peux jouer. Mais par contre, j'ai pas encore la rigueur de m'enregistrer, de me filmer. J'ai encore des problèmes avec mon... J'ai des problèmes avec moi en fait. Il faut, y a des trucs qu'il faut que j'assume, il y a plein de trucs. Tu sais que moi, un truc qui m'a aidé, c'est de beaucoup jouer avec notre Dieu, Jean-Paul. Mais Jean-Paul, notre Dieu. Pourquoi Jean-Paul, notre Dieu? Parce que. Jean-Paul, il est. Ouais, Jean-Paul, oui. Mais tu connais Jean-Paul? Oui, bien sûr. Ce bon vieux Jean-Paul. Jean-Paul qui. Mais Jean-Paul est. Quand on parle de Jean-Paul avec Aninka, on est toujours en admiration face à Jean-Paul. Là, elle rigole. Non, elle rigole. C'est lui. Mais non, mais vraiment. C'est lui. Excusez-moi, vous venez pour la séance de 20h? Oui, mais je joue ce soir. Est-ce que c'est possible de remonter? On enregistre un podcast et après, je vais faire descendre. Okay. Merci beaucoup. Jean-Paul. Du coup, oui, Jean-Paul. Attends, je vais faire une relance. Parce que Jean-Paul, c'est vraiment... franchement, il est drôle. Il se la raconte pas. Et il est toujours de bons conseils. Il est toujours de bons conseils. Il est toujours en vélo. Et il est toujours en vélo. Voilà, il est toujours en vélo et toujours frais, toujours un peu. Et je me dis putain, mais c'est ça que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être svelte. J'ai envie d'être drôle et svelte. Voilà, c'est exactement ça. Il m'a dit exactement. Ouais. Il est là avec son vélo, son ventre tout plat. Ouais. Il est courageux. Toujours... Mais non, pas courageux. Admirateur. Je suis admirateur. Ok. Bon bref. Non, pas moi, du tout. En vrai, c'est Jean-Paul quand il sort. De scène. Un truc, ouais, de scène, et qu'il y a des trucs qui n'ont pas marché, tu le vois direct avec son téléphone à écouter comme ça. Ah ouais? Et il fait, ok, ah ouais, c'est vrai, ça marche pas. Puis il remet en arrière comme ça, pourquoi ça marche pas? Et genre, il me parle comme ça, il fait, ok, je sais ce qui va pas, vas-y, je fais une autre scène, enfin, tu vois. Ah ouais? Et en fait, je me suis dit, putain, être autant en paix avec sa voix, son bide, attends, et son machin. Jean-Paul fait ça? Bah, il l'a déjà fait avec alors, moi. Alors, c'est ouais. Sûr que je vais le faire. Alors, si Jean-Paul le fait, moi, je le fais. Mais vraiment! Jean-Paul, c'est mon exemple. Bah, en fait, d'avoir Jean-Paul, vu ça... Jean-Paul, il a un chien. Je pense qu'il devrait avoir un chien. Mais je pense que je vais avoir un chien, moi. Je pense que je vais avoir un chien. Si Jean-Paul a un chien, je vais avoir un non, chien. Non, c'est une blague. Ah, d'accord. Il en a pas, donc t'en veux plus. Non, non, bah, c'est pas ouf, les chiens. Mais oui, non, mais je dis ça, je pense qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui font ça. Mais juste ouais, comme, ouais. Comme on passe du temps ensemble, et du coup, je le vois faire ça, et je dis, bah ouais, en fait. Attends, c'est ouf, moi, je fais jamais ça. Mais il y a ces gars, alors, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup en ce moment sur les podcasts, mais il y a ces gars qui sont un peu les... Tu sais, on parle des mathématiciens de la blague, et genre, qui sont là à calculer ou faire des règles et tout. Et Georges, par exemple, je sais qu'il a... Georges, voilà, je pensais à Georges. Georges, il est un peu comme ça et tout. Georges, il est comme moi, ça. Moi, pas du tout. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment... Genre quand il construit une blague, ouais, ou quand il se réécoute, il... Non, mais il y a aussi ça, genre quand tu sais quand... Moi, pour moi, il y a une blague qui passe pas, bah, il y a pas... Des fois, il y a une raison, tu vois. Genre, je me regarde, c'est pas assez articulé, ok, tu vois, mais genre, cette blague, elle passe pas, c'est qu'elle est pas drôle, je passe à autre chose. C'est pas grave, j'insiste pas sur une blague. Mais, tu sais, il y a des sortes de... Qu'ils ont des règles, qui disent, ouais, ça passe pas parce qu'il y a ça, ou... Faut faire ça, t'as pas l'ordre ou quoi. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Je sais pas si vous êtes un peu comme ça, vous. Non, je pense qu'il y a des règles déjà établies qu'on connaît tous, la règle des trois, les trucs comme ça, où tu sais, à la troisième, voilà. Mais, oui, oui, bien sûr. Mais oui. Les règles que Georges donne, par exemple, en fait, Georges, il est comme ça, il fonctionne comme ça, il a besoin de... Quand il me parle, des fois, il me dit... Il est rassuré par... J'ai démonté ça, je l'ai remonté, il aime bien savoir comment ça fonctionne, oui, bien sûr. Comment... Donc du coup, lui, il fonctionne comme ça. Moi, je suis comme toi, la blague, si elle marche pas, elle marche pas. Et on peut la corriger, mais je sais pas s'il y a une règle. Mais des fois, quand il me parle de ses règles, j'en ai besoin. Moi, des fois, j'en ai besoin quand tu sais, même moi, où je me dis, j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire dans ma blague. Donc, du coup, j'utilise sa règle qui m'a donnée. Et donc, du coup, ça m'aide. Mais sinon, ouais, en vrai, les blagues, c'est ton feeling, c'est toi, comment tu... C'est quoi, j'ai essayé, il m'avait envoyé aussi la règle. C'est une règle, ouais. Ouais. En fait, j'ai voulu construire une blague et j'ai essayé de suivre la règle et j'y arrivais pas. Et c'était là, je fumais. Je peux pas faire ça, genre, tu sais. Mais lui, c'est son fonctionnement. Tu veux dire ce que tu veux dire et tout. Et j'ai essayé, je fumais, j'y arrive pas. Et j'ai fait cette blague, tu vois, j'ai fait des blagues comme ça. Je suis bon, à faire comme ça, ils m'ont fou, tu vois. Et ça fonctionnait. Après, tu l'as fait comme dans sans penser. Chacun son truc, tu vois. C'est ça, avec Georges, tant mieux pour Georges. Bien sûr, voilà, c'est ça, ouais. Mais je pense qu'au moins une fois, il faut essayer de le dire sans règle. Une fois que tu te le dis dans ta tête, et après, une fois que tu as dit un truc drôle, je fais « Ah, ben oui, en fait, ça fait référence à ça, et du coup, ça devient stylé, et oh, je pourrais même l'agrémenter avec ça, tu vois. » Mais au début, c'est ça. Dire « Ok, machin, insérer une métaphore, hop, insérer un machin, enfin, en fait, tu seras... » Enfin, moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Je suis grave d'accord. Moi, des fois, je suis avec mes amis, je balance des blagues, naturellement, parce que je suis avec des amis, et je me dis « Mais ce serait trop bien que je les raconte en stand-up. Mm. » Mais comme je suis pas encore assez fort pour être le même que je suis avec mes amis sur scène, c'est très dur d'être le même. Si j'arrive à me retrouver moi, comment je suis avec mes amis sur scène, je pense que là, j'ai tout gagné. Ouais. Ah ouais, mais ça, je pense que... Mais j'arrive pas à me... Être soi-même sur scène, je pense que c'est là où t'es le... Ah, mais je pense, ouais, vraiment, ouais. Quand tu vois des gens sur scène qui sont très forts et tu te dis, t'as l'impression que ce qu'ils racontent, ça sort de leur tête. Ils ont réussi leur travail, quoi. Mais vous écrivez des blagues, non? Bien sûr. Ouais. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, en général, j'écris pas. Moi, je pense à un truc, tu vois, et j'ai deux, trois trucs en tête et je le raconte. Mmh. Ah, Moi, j'écris très peu de blagues. Ouais. Ah, moi, je pense à un truc. Mais c'est parce que t'es dyslexique? Je sais pas. Tu penses que c'est un rapport? Parce que j'écris des blagues, des fois. Des fois, j'écris et je me dis, oh, bah non, ça va pas. Genre, Serena Yari, vous voyez qui c'est? Non, du tout. Ben, c'est une humoriste belge, trop forte. Et elle est dyslexique, et elle dit « Je suis incapable d'écrire une blague. Rien n'est écrit. » Donc, quand elle va sur scène, il n'y a pas un petit bruit de... En fait, elle est très sensible, du coup, au son et tout, et elle se réécoute, donc elle sait ce qu'elle a dit et machin, mais sinon, elle n'écrit rien. Et un jour, on lui a dit « Bah, pour une émission, on a besoin de savoir, d'avoir le script. » Elle a dit « Je suis incapable de vous donner le script. » Ah, par contre, moi, je peux te mettre un script de toutes les blagues que j'ai, que je refais, tu vois. Genre, je les fais tout le temps. Je les connais, tu vois. Mais au mot près ? Au mot près, bien sûr. Ah ouais ? Je peux te les faire au mot près, c'est pas un problème. Mais genre, quand je les ai construites, au départ, j'y suis allé comme ça. Genre, j'avais pas au tout départ. Les premières blagues que j'ai faites, je les ai écrites parce que je faisais comme tout le monde faisait. Mais après, genre, j'ai des blagues sur... Par exemple, la blague du God. Je l'ai jamais écrite. Genre, j'ai dit ce qui m'arrivait. Genre, j'avais 2-3 blagues en tête, tout ça. Et par la suite, je la fais, je la refais. Et le fait de pas avoir de texte pour moi, ça m'aide à être libre. Genre, je vais rajouter un truc, je fais, ah tiens, je vais essayer ça. Genre, je pense à un truc. Là, à Bordeaux, un truc fou, j'ai le truc sur le fait que je suis végétalien. Et genre, je fais souvent la blague, genre, ouais, on dirait pas que je suis végétalien parce que je suis beau, tout ça. Et genre, j'étais là, je fais, ouais, moi je me regarde dans un miroir. Mais drôle, la blague. Non, mais c'est pas ça. J'ai pensé à un truc, j'étais là, je fais, je vois que les gens rigolent plus que d'habitude, et je fais, ah, on va tenter un truc. Et je dis, ouais, putain. Ah, donc toi, tu le sens, sur le moment, tu te dis, ouais, ah là, je sens qu'il y a un vraiment, truc. Au moment même, je me suis dit, et je les ai regardés, je leur ai dit, ouais, je te jure, mais moi, des fois, je me regarde dans le miroir, je suis obligé, je mange de la viande la nuit. Et là, les gens ont éclaté rire, et du coup, je le garde, tu vois. Du coup, ça reste dans mon. Je peux te le réécrire. Ok, ouais, d'accord. Mais genre, cette blague-là, je l'avais pas avant. Mais alors, tu t'es réécouté pour savoir comment tu l'as dit? Non, je savais que je l'ai dit. Ça, c'est ouf. Parce que des fois, t'as la phrase. Mais des fois, j'oublie, hein, c'est horrible. Bah, d'une, t'oublies, et de deux, t'as dit une phrase. Et tu te dis, putain, elle a trop fonctionné, les gens ont trop ri. Mais si tu mets pas la même intonation, elle marchera jamais. Ouais, bah l'intonation, je sais pas si ça y fait beaucoup ou pas. Ah, si, moi je trouve de ouf. De toute façon, quand t'es à l'aise et que tu racontes ce que tu. Comme tu le dis, comme dans l'intonation que tu donnes. Mais justement, comme il a improvisé, il a eu ce truc de. Naturel de c'est la première fois que j'ai dit, donc du coup t'étais grave à l'aise, enfin si un jour tu veux le refaire, il y a ce risque de s'auto-parodier, ouais, et de faire imagine je mange de la viande la nuit, ouais, du coup ça marche pas du tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, c'est pas ce problème, je l'ai rejoué hier. Ça, en y rajoutant encore un truc, parce que ça que tu avais prévu, tu vois, d'avance de le mettre en disant ah ouais, c'est bizarre, à chaque fois que je passe à mon kebab en bas, il me fait un clin d'œil, il me dit à ce soir, tu vois. Mais ce qui a pas fonctionné de fou, tu vois. Mais genre, je sais que en vrai, mon intonation, je reste la même. Parce que, pareil, genre, ouais, je sais pas si. Ben, ouais. Je pense que la blague du kebab, tu l'as fait avec une autre intonation, elle peut cartonner. Je crois, hein. Bah écoute, moi, de toute façon, je vais la réessayer. C'est pas une blague qui fonctionne pas comme ça. Genre, je dis pas que cette blague est hilarante et que machin. mais je pense que si tu testes plusieurs intonations, tu verras qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Ok. Je crois, hein. Moi, je suis grave dans le. Quand je sors de scène, j'ai complètement oublié où les gens ont rigolé. C'est-à-dire, j'ai un blackout. C'est-à-dire, vraiment, je sais. Et je suis obligé de réécouter, mais comme j'enregistre pas, du coup, je demande à ma copine qui est dans la salle, ça a rigolé. Parce que elle me dit ouais. Et moi, je me suis dit, ah ouais, tu trouves? Et parce qu'en fait, moi, je n'ai pas du tout. Et je pense que c'est là mon problème, c'est que je vis pas le moment. Je suis pas avec les gens, je suis avec mon texte. Ouais. Et il faudrait que j'arrive à me libérer de ça. Ah ouais. Je suis pas avec les gens, c'est-à-dire les gens, je suis avec les gens mais sans l'être. C'est-à-dire je suis mon cerveau, il est sur deux trucs, il est sur le texte et les gens. Mais il est plus avec le texte parce que le texte, je le connais. Donc et je pense qu'il faudrait que j'arrive à me libérer de ça. Quand je te vois sur scène, Aninka, et que tu balances des et que tu testes des trucs. Rien que le fait que tu dises la semaine dernière quand t'as dit ok la drogue c'est bon, j'ai vu tu faisais une liste de checking devant les gens, ouais. Les gens en rigolaient parce que c'était tellement naturel. C'est tellement naturel, mais je sais qu'évidemment c'est peut-être pas, tu veux pas en rire là forcément, toi, le seum un peu. Ouais, évidemment, mais je trouve que c'est tellement naturel et à l'aise de ta part que finalement une drôlerie. Si tu veux un 8 minutes solide et que tu joues sur cette gêne de bon, ça j'ai fait le sujet, c'est bon, bah en fait tu t'en sors jamais. Non, bien sûr. Moi je trouve que c'est drôle de le garder à la fin. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas. Moi j'aurais pas pu le faire parce que je suis pas assez à l'aise sur scène pour être moi-même et me dire bon, ok, ça c'est bon, je le jouerai ça. Bon, ok, là c'est bon. Tu vois, toi tu l'as tellement pas joué que du coup on a vraiment vu toi qui dit ok, ça le check. Enfin, vraiment, t'as fait un checking de. Du coup, c'est des petits interludes où je suis moi-même parce que. Mais c'est ce que. Et les gens, ils adorent. Moi, je les ai vus rigoler. Ouais. On était 3-4 personnes de pas humoristes. Et ils ont rigolé. Si sur 4 personnes, tu fais rire, mais sur 100 personnes, tu déchires pour un. Pour le fait d'être, le fait d'être à l'aise comme ça. Oui. Je veux dire vraiment. Pas forcément pour la blague en elle-même. Hein. Ouais. Mais d'où ce truc de rigueur dont je parlais tout à l'heure. C'est que tu vois, avant j'aurais été incapable d'avoir des notes comme ça et de dire j'ai une idée, vas-y, je vous en parle. Moi j'ai pas cette rigueur, tu vois, que t'as toi. Mais je tends à l'avoir, bien sûr. Mais je devrais l'avoir un peu plus, ouais. Beaucoup même. Et encore, je prends un exemple de rigueur. Ouais, il y a des gens, il y a Jean-Paul. Voilà, on y revient à Jean-Paul. Ah, mais non. Et attends, tu veux rire, mais la semaine dernière, je quitte le bar, je le vois. Et il me fait un bonjour, mais un bonjour de Jean-Paul. Genre, une main sur le guidon et une autre main comme ça. Et tu sens qu'il gère la main et le volet. Il gère tout, le vélo et la main. Je dis, mais ce mec-là, il gère le public, le rire. C'est pour ça que j'ai acheté un sac à dos, parce qu'il en a un sur le sac. Mais par contre, Jean-Paul, à chaque fois que je le vois... C'est le secret pour réussir dans ce thème. Grave. Ce qui est fou, et ce que je vois un peu en ce moment avec toi, Aninka, c'est qu'à chaque fois que je les vois, il teste des nouvelles choses. Chaque fois. C'est vrai, ouais. Et toi, pareil, en ce moment, à chaque fois que tu vois, il y a des nouveaux trucs. À chaque fois. Mais attends, tu testes parce que t'as validé ce que t'as joué, ou tu testes sans savoir, enfin, tu testes d'autres choses, mais les autres choses que t'as déjà testées ne sont pas forcément validées et que du coup. Il y a des trucs que. Attends, moi, je suis pas Jean-Paul. Ouais, mais. Bien sûr. J'ai la même question pour Jean-Paul, ok. Non, c'est pas parfait, c'est pas mal, mais c'est pas mal ce que j'ai, mais tu vois, au final, tout le truc sur le sport, le fitness que j'ai, en fait, c'est pas un truc que je veux garder c'est trop un truc d'actualité, machin. Donc oui, je le referai grave parce que je sais que c'est du sûr, entre guillemets, que ça, je sais que ça marche. Mais à un moment donné, stop de le faire. Ok, d'accord. J'aimerais bien tendre à parler plus de moi, avoir des sujets plus... voilà. Plus intimes. Oui, des trucs où t'es plus sincère, c'est ça? Ouais. Des choses qui te ressemblent, pas qui te ressemblent, parce mais que là j'ai l'impression que, tu vois, toute ma partie là-dessus, c'est un truc qui pourrait grave être mis sur Instagram en réel, parce que c'est une petite blague d'actualité et puis boum, on passe à autre chose, c'est une blague qu'on jette, tu vois. Je sais pas, genre, putain, j'ai un truc à vous dire, c'est vraiment ça que mais, je veux vous dire, tu mais vois. Moi, on m'a dit que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plus dans une tendance où c'est pas forcément le texte que les gens recherchent, mais plus... L'efficacité. L'efficacité, ouais, tout le temps. Mais surtout, ils cherchent des gens. En fait, c'est les personnages. En fait, c'est nous, en fait. On n'a pas forcément envie de parler du couple ou du que t'es allé chez le coiffeur, mais plus de toi. De toi, comment toi, tu vas chez le coiffeur, comment t'es en couple, comment... Et tu parles pas d'un truc général, mais plutôt de toi, comment tu perçois les choses. J'ai l'impression, hein, que les gens cherchent plus des personnages. Plus que du texte. Là où avant, ouais. Avant c'est, j'ai l'impression d'être dit des conneries. Hein, mais. J'espère pas. Non, évidemment, il faut être drôle, il faut que la blague soit drôle. Hein, mais oui, il mais... faut que le texte non, mais soit je drôle. Crois que mais maintenant, c'est les deux. Il faut avoir un personnage et être efficace. On me dit toujours sois sincère. Tu vois, on me dit toujours sois sincère. Et je me dis, donc en fait, il faut ça, que je ça sois. A toujours été. Ouais, mais il faut que je sois moi, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas que je surjoue. Ouais, hier, j'étais avec une fille et dans le métro, là, elle était. C'est le principe du stand-up. Ouais, mais si c'est pas vrai, ce que je raconte, mais que c'est drôle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la dis ou est-ce que je me... Bah, toi, d'être aligné avec ce que tu veux. Exactement, c'est ça, ouais. Et je pense que on a tous envie d'être sincères, plus ou moins, je pense. Ouais, moi, j'admire trop certains artistes, enfin, parler de trucs très perso, mais de manière drôle, avec des angles trop cool. Quoi qu'il arrive, faut être drôle, ça, c'est clair. Et en plus, faut être drôle, voilà, c'est ce truc avec mon passage là qui est entre guillemets sûr. C'est ce truc de, ok, c'est bon, je crois que j'ai compris comment on écrit une blague. Allez, maintenant on fait sur des sujets qui me tiennent à cœur. Ouais, l'actualité, voilà, tout ce que tu dis, voilà, c'est drôle, mais ce qui te tient à cœur, c'est que les gens te découvrent toi. Ouais. Et comment toi, tu rends les choses drôles. Ouais, vous c'est avez, beau. Vous avez totalement, est-ce que vous arrivez totalement à parler de vous? Genre, mais totalement. Genre, est-ce que sur scène, si vous arrivez à trouver une blague sur n'importe quel sujet de vous, vous arriverez à en parler? Non. Non, ouais. Moi, je ne suis pas encore... Non, je pense que je peux aller... Je vais évoluer, mais là, à l'heure actuelle, non. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. Pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je ne sais pas comment le rendre drôle. Ou même moi... Non, mais c'est ça. Ah, d'accord, ok. Ou même moi, je ne sais même pas... pas je suis timide, mais je suis pudique. Je suis pudique encore avec ça. Ouais. Ça, c'est différent. Ah, ouais. Moi, je te dis, par exemple, genre, tu peux avoir... pas de blague sur ce truc, mais demain tu trouves une blague là-dessus, tu fais putain, je vais la faire. Et il y en a qui disent ouais, mais j'ai pas envie de parler de ça, du coup ils vont pas la faire. Oui, oui, grave, mais complètement. Et toi, Nika? Moi j'ai un peu, j'avais beaucoup ce truc de je veux pas parler de cul. Et en fait, grave. Mais tu viens, on parle de cul. Bon, je pense qu'on pratique tous cette activité, donc. Ça attend plus que d'autres, après c'est tout. Mais après, faut bien le faire, quoi. Oui, bien sûr. Donc. Bien sûr. Voilà. Si c'est drôle, en fait, je le ferai. T'as raison. Et pareil, des trucs de mon enfance et machin, si c'est drôle, grave. Ouais, Ça sert juste à rien d'être dans l'autoflagellation de oh, c'est très intime. Tu vois, d'être dans ce truc, c'est hyper intime de dire que je me trouve grosse. Et bah, je vais aller sur scène et ça va marcher parce que c'est intime et je vais dire je me trouve grosse et ça devient pathétique parce que c'est juste c'est qui cette meuf qui a pas confiance en elle? Qu'est-ce qu'elle fout? Ça devient pathétique. Je suis d'accord avec toi sur un truc, sur le truc du cul. Parler de cul, oui. Mais, en fait, il faut faire attention à... Tu vois, c'est comme le truc des blagues avec l'accent. En fait, il y a des gens qui font des accents, et en fait, c'est l'accent qui est drôle. Et moi, c'est pas bien quand l'accent est drôle. Genre, le but, c'est que la blague soit drôle, que tu fais, ok? Et là, je pense que c'est pareil, le cul. Faut pas que ce que tu dis, ce soit drôle. Faut que la blague soit drôle. Genre, parce qu'en parlant de cul, il y a des gens qui peuvent rigoler. C'est ça. Même si, genre, il n'y a pas de blague derrière, tu vois. Genre, tu c'est con, tu peux dire un truc à la con. Par exemple, moi j'ai un rire des fois et ça me plaît pas forcément. Non, mais par exemple, sur le truc du plug, quand je dis elle m'a proposé, tu vois, déjà j'ai un rire alors que je veux pas de rire à ce moment-là, tu vois. Moi je veux de rire au moment où je dis elle m'a proposé comme si c'était un chewing-gum parce que là il y a une blague. Oui, oui. Parce qu'avant, oui, mais la situation est déjà drôle. Oui, mais tu vois, moi, j'ai pas envie d'avoir des blagues sur une situation. J'ai envie d'avoir des blagues sur la... des rires, pardon, bien sur la situation. Sûr, mais des rires sur la blague. Oui, oui. Bah, du coup. Mais tu vas pas empêcher. Je vais pas l'enlever. Tu vas pas empêcher les gens mais de genre, dire. Par exemple, si tu fais. Pour ceux qui font. Ils ont évité des gens qui font des sketchs de cul. Où c'est que. Ils racontent l'histoire, mais sans aucune blague. Et l'histoire est drôle. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu. C'est peut-être oui, prétentieux, oui. Mais un peu facile, je trouve. Bah oui et non, parce que derrière il y a le personnage, enfin, ou le clown que tu dégages de ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile, parce qu'en en soi tu racontes une expérience de curaté. Si t'es pas à l'aise avec ça, si t'es un peu gênant, ça peut très vite être pourquoi elle nous dit ça ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est lourd, je voulais pas le savoir, tu sais. Enfin, moi je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais. En étant entre potes, en boîte, machin, un pote qui rentre avec une meuf, et après on se retrouve pour bruncher le midi, et là c'est, et après c'est passé ça, et ça, et ça. Et le mec, en fait, il décrit juste, mais c'est hilarant, quoi. Oui, et t'es là bien autour sûr. De ton gros Welsh, et t'es là, tu avec un rire bien grade, c'est trop drôle. Donc, réussir à faire ça sur scène, c'est déjà quelque chose. Ouais. Mais je vois ce que veut dire Vincent, genre c'est. Mais bien sûr, ça, du coup ça reste facile parce que le sujet est facile. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que. Je vois ce que tu veux dire. Le principe que, genre, t'as ça, mais genre, tu vois, moi par exemple, l'histoire de Bug, elle est ultra drôle de base, tu vois, mais genre, j'aurais pas du tout été satisfait si j'ai juste raconté l'histoire et j'avais pas rajouté des blagues à droite, à gauche. En soi, quand une, tu. Enfin, une chute, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Genre, l'histoire est drôle, mais t'as envie de rajouter, voilà, agrémenter, faire plein de trucs. Parce que sinon, genre, je me suis dit, bah ok. T'as un sujet facile. Là, par exemple, j'ai un sujet facile que j'ai fait hier, tu m'as pas vu, parce que tu m'as pas regardé, c'est pas grave. Je suis parti. T'es parti, tu dis, Vincent passe, je pars. non, mais hier, il m'arrivait un truc fou. J'étais dans le métro, et en fait, au hall, il y a deux personnes qui s'embrassent, et deux hommes qui s'embrassent, et il y avait un mec sur Strapontin qui dit, hey, pas devant tout le monde les PD. Et moi, ça me vénère. Il a dit ça ? Ouais, moi, ça me vénère. Et je lui dis, hey, ferme ta gueule. Et t'as dit ça? Il y a l'autre, ouais, non, mais il y a l'autre mec derrière, tu sais, des gens qui sont brassés, qui le regarde, qui dit, ouais, sale noir. Et j'étais là, tu vois, la situation est drôle. Donc hier, ah ouais. J'étais sur scène, tu vois, mais j'avais pas de blague. Et parce que je me dis que t'es que j'ai trouvé sur scène, mais faut que je trouve des blagues c'est très derrière. Drôle, ouais. Parce que la situation est déjà drôle. Moi, j'étais là, j'ai rajouté la blague, moi, je suis un homme blanc hétéro, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule, tu vois, genre, ça me regardait pas cette histoire. Tu vois, mais. Ah ouais. La situation est déjà drôle. Et ça m'embête de la raconter juste comme ça. Au final, tu le fais avec le plug parce que. Elle est drôle, la situation, mais elle est pas hilarante. Mais quand tu tires le truc, oui, elle a fait ça. En vrai, tu je fais rajoute, pas, tu fais pas juste. Il s'est passé ça, boum, j'insère une blague. Après, tu l'étires bien un sûr. Peu, tu fais imagine que gna gna gna, et du ouais, coup, oui, ça marche. Oui, bien sûr, c'est mais ça, de toute façon, il faudra que tu fasses c'est, ça. Ouais. C'est ça. Mais je suis d'accord. Ouais, grave. On a tous des histoires drôles, mais il faut les pimper, quoi. Je sais combien de temps on en a. Il y a quelle heure, c'est bien pour toi? Alors, il est la même heure pour moi que pour nous oui, tous. Oui, mais c'est pas mon téléphone. Non, mais pour toi, ce que je veux dire. 19h08, oui, j'ai compris. Ouais. Et comme ça, je passe un très, beau moment. Moi, c'est un bon moment. Mais. bah, depuis qu'Aninka a repris le podcast. Oui, c'est vrai, depuis qu'Aninka a repris le podcast. C'est sûr, j'ai marqué présentateur, Jordi, Aninka et Vincent Marat. Ouais, il y aurait écrit Aninka sera drôle. Point d'interrogation. C'est quoi vos prochains objectifs là? Alors à long terme ou à court terme là où tu, genre, à court terme et à long terme. Je veux savoir les deux. Tu veux commencer, Aninka? Ouais. Pardon, vas-y. La meuf prend sur des. Être riche. J'allais t'as dire ça. Être. Non, je suis déjà riche. Être drôle. Oh être marrante. Non. Être résidente dans un comedy club. Enfin, jouer souvent dans un comedy club. Moi, vas-y. T'as une préférence de quel comedy club? Si je veux pas le dire, tu dis pas, c'est pas grave. Ouais. Bah, c'est, le Paname. Le Paname. Okay. Voilà. Notre terre promise. Pas pour tous. moi, je pense que là, l'objectif à court terme, c'est d'avoir une rigueur. Je pense d'avoir une rigueur et d'écrire autre chose que des petits briefs. Enfin, pas autre chose, mais écrire d'autres choses et tester. Parce que je trouve que je teste pas assez. Je suis pas assez régulier, je joue pas assez. Il y a plein de trucs encore qu'il faut que je corrige à court terme. Et à long terme, vivre de ça, je pense. À long terme, je pense que le jour où j'en vis, pas forcément je suis connu, mais le jour où j'en vis, où on me dit, tiens, t'es payé pour faire des blagues, je pense que là, c'est l'objectif que j'aimerais avoir. Je suis payé à faire des blagues. Donc, c'est fou. J'achèterai des trucs et je dirais, là, tu vois, là, parce que j'ai fait une blague hier. Donc ça, je kifferais. Ça, c'est vraiment mon... Et je pense que ça rassurerait tout le monde. Dans la famille, même d'un point de vue impôt, ça rassurerait tout le monde que... Pourquoi ? Et parce que tu professionnalises la passion que tu as, quoi. Professionnaliser, c'est comme si tu rentrais... Comment c'est ta famille ? Ah, ma famille. Pour ma famille, je gagne de l'argent, ils sont rassurés. Je... T'en gagnes déjà ? Oui, c'est oui. Ça, c'est déjà un travail. Donc j'ai déjà un travail, mais ils savent très bien que ce que je fais, je suis pas à 100%. Dans ce que je fais. Ils me disent des fois. Ce que tu essaies de me dire, c'est que si tu fais des blagues, c'est pour la daronne. Non, je vais la mettre à l'abri. Non. Ce que je veux dire, c'est que ce que je fais là, à l'heure actuelle, je travaille à côté. Je suis pas à 100%. Ma mère, des fois, elle me dit, mais pourquoi tu montes pas ça? Tu fais pas ci? Pourquoi tu montes pas une boîte? Je dis, mais maman, j'ai pas envie de m'investir du temps dedans, alors que c'est pas du tout là-dedans que j'ai envie d'évoluer. Mm. Et le jour où je lui dis, maman, je suis payé à faire des blagues, et je suis payé, j'ai un vrai salaire. Je pense que là, moi, rassure tout le monde, quoi. Je rassure mes parents, ils peuvent dire à la famille, tiens, un peu plus éloignée, ouais, mais il gagne sa vie comme ça. Hein. Je pense qu'il gagne sa vie comme ça. Je pense que ça les rassure. Et moi, ça me rassure que eux soient rassurés. C'est marrant que tu parles comme ça de ta famille. Toi, un peu avec ta famille, de les rendre fiers. Moi, ma famille, on a peur de ça. Ouais. Les rendre fiers, oui, mais moi, ma famille, s'inquiète pas trop. En fait, parce qu'ils s'en foutent de moi. Mais en fait, comme moi, à la base, je suis chaudronnier soudeur, c'est un métier où il y a beaucoup de débouchés. Ils savent que si, bah là, par exemple, bah, j'ai le chômage et je fais que ça, et mon but, moi, c'est aussi d'en vivre. Mais genre, s'il faut que je retourne au travail, je retourne au travail. Oui, voilà, c'est ça. Elle est rassurée, tu vois. Après, je sais qu'elle serait contente si je vis ma passion. Elle serait très fière. Mais elle s'en fiche un peu. Elle a confiance en moi. Ah ouais, moi aussi. Moi, ils ont pas forcément confiance. Mais ils ont peur, surtout, ils ont peur. Mais ils me laissent faire. Ça veut dire ils me laissent faire et je pense qu'en me laissant faire, ils me soutiennent. Derrière, quelque part, ils me soutiennent. À leur façon, à leur manière. Donc voilà, ouais. J'ai une question pour Vincent. Tu pourras couper. Hein. Non, t'inquiète. Non, c'est une discussion. Tu sais, t'as vachement ce truc soutien au LGBT, très féministe, etc. D'où ça vient, ça? Ton éducation était comme ça? Pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai rencontré. Déjà, je suis un ancien raciste. J'étais raciste. T'as dit t'es un ancien raciste? Ouais, je suis un ancien raciste. T'as ton kiss? C'est fou de dire ça. Non, mais c'est vrai. Deux ans que j'ai pas dit. Pendant très longtemps, en fait, c'était beaucoup. Il l'a rendu mercredi dernier. J'avoue. Mais non, je suis un ancien raciste. Je vais peut-être donner un angle. Voilà ma plaque, voilà mon flingue, je rends mon insigne. T'es en train de dire qu'elle est payée chez toi? Non, pas du tout. C'est dans le podcast. Mince. Mais en fait, jusqu'au collège, je l'étais beaucoup. Et il y a eu un truc qui a changé au lycée, quand je suis entré au lycée. Déjà, je me suis fait défendre par des personnes, en fait, non. Il me tire à bout portant dessus. En gros, pour vous expliquer un peu, ils avaient une embrouille avec un gars, et à la fin du lycée, il veut me casser la gueule. Il est là tout seul avec tous ses potes derrière, et moi je suis tout seul. Et dans ma classe, il y avait deux Turcs, et ils viennent me voir, il y a un problème, Vincent. Et ils me disent, bah, je sais pas, il veut me casser la gueule et tout. Et ils commencent à me défendre, et d'un coup, c'était des potes des gars de banlieue. D'un coup, il y a là les gars de banlieue qui viennent me défendre aussi. Et là, j'ai commencé un peu à changer d'idée, mais juste un petit peu. Et après, j'ai eu des cours de français. Je me suis inscrit, par exemple, à un groupe d'histoire. Genre, du coup, on a été voir Bergen-Belsen, tu vois, les centres de camp de concentration, tout ça. On a parlé plein de trucs. Et en vrai, le tout a fait que... Après, par exemple, soutien LGBT, j'ai rencontré énormément de personnes LGBT. Et en fait, je me suis, tu vois... Genre, grâce au stand-up ou déjà avant? Avant. Ah ouais. Mais du coup, ça a fait que... ouais, je parle beaucoup de ça aujourd'hui. Parce que, en fait, moi, le changement, comme je sais ce qu'il y avait eu avant, tu vois, et tu vois, c'est un problème, on en parle beaucoup avec TM. Et j'ai encore des trucs, des restes de droite où je me dis, ben, je comprends pas trop ça, tu vois. Et comment dire? Et du coup, mais il y a du bon dans la droite, tu dis, il y a des restes de la droite. Non, dirait que c'est le diable. Bah, en vrai, moi, techniquement, aujourd'hui. J'ai des restes. Moi, je t'avoue, j'ai plus du tout à droite. Mais, genre, quand je dis j'ai des restes, c'est que j'ai des trucs. Par exemple, on en parlait avec. Je les chasse toutes les nuits de la sauge comme ça. Non, ma meuf. Partez. Ma meuf, elle me dit, elle dit, ah, fais gaffe, elle prend un droit, tu vois. Ah, tu as des Roland de. Un petit rototo. Oh, pardon, excuse-moi. C'était Alain Juppé. Mais du coup, comme j'ai eu le changement qui s'est fait et que j'ai compris des choses, c'est pour ça que je milite beaucoup pour ça. Pour pas qu'il y ait des gens qui soient racistes, homophobes, tout ça. Parce que je sais que j'ai été et j'ai pas envie que des gens tombent là-dedans, tu vois. Ok. Donc voilà. Stylé. Grosse remise en question, du coup. Voilà. Voilà, ça et du plaisir. Coup, un peu tout le temps, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, mais du coup, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs que je remets en question. Et genre, quand t'es avec ta mère, il y a des trucs, parfois, elle dit, c'est border, et tu la reprends, Ça dépend à quelle limite. Des fois, c'est border, et c'est rien, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mmh. Vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est trop dur. Mais, et des fois, ça va trop loin. Et ma mère, ça va. Moi, franchement, ma mère, ça va. Tu vois, elle est quand même famille d'accueil, tout ça, donc ça va. C'est plus mon oncle où j'ai beaucoup de mal. Ah, attends, la famille, mère de famille d'accueil. Non, elle est famille d'accueil, elle. Ouais, elle est famille d'accueil. Elle est famille d'accueil. Donc elle accueille des enfants, c'est ça. Mais elle a déjà accueilli des noirs, je suppose. Bien sûr. Bah alors, t'as grandi avec des noirs. Oui, alors moi, techniquement, elle a commencé. Il a grandi au ghetto, il a grandi dans le Bronx, Vincent. C'est... Oui, non, mais ils étaient pas racistes au moment de dire. Mais ils étaient plus à, par exemple, à dire les étrangers, ils viennent pour le travail, tu vois. Grave. Non, mais de base, parce que je veux dire, ils nous volent notre travail, ou sinon. Ah, ils nous volent, oui. Ils viennent et ils bossent pas, ils profitent. Oui, tout ce qu'on entend, bien sûr. Donc, de ce genre-là, tu vois. Et c'était plus de ce niveau-là, j'étais pas en mode gros nazi non plus. Oui, oui. Genre, pas à ce niveau-là. Ça fait la tête. Oui, oui. Voilà. Vous voyez cette croix gammée que je suis faite ici, là. C'est une connerie de jeunesse. Ouais. J'étais pas comme ça. Je vous avoue que je regrette un peu. Voilà, genre... Depuis, je rentre plus en boîte. Non, mais c'était pas comme ça. Et tu sais, j'avais ce truc en mode ouais, bah, ils ont envie de venir en France, donc défendre leur pays tout seul et tout. Des trucs comme ça, tu vois. Mais j'étais pas non plus. Oui, t'étais pas dans la haine raciale. Voilà, totalement pas. Ok. Mais du coup, tu m'as pas dit, toi, tes projets à long terme. Tu m'as dit à court terme, mais pas à long terme. Ah, du coup, à long terme, dans le stand-up. Ou dans autre chose, si tu veux. Franchement, continuer à jouer sur les plateaux et être beaucoup demandé, quoi. Tu vois, avoir la cote. En gros, moi. C'est à court terme. C'est à court terme, non, c'est... À court terme, ne plus demander aux gens et je peux jouer et que du coup je joue. L'autre fois, je me disais, j'ai trop envie qu'il y ait des gens moins forts que moi. Attention, ça va être très prétentieux. Moins forts que moi, plus connus que moi. Et qu'un jour, genre, on arrive sur un plateau et qu'eux, ils voient que je suis sur le même line-up et ils disent, ah merde, ça va nuire à ma réputation parce qu'ils vont voir qu'une meuf moins connue. Et me déglingue. Ça voudrait dire que t'es très fort, quoi. Ça veut dire si que t'es très fort. Tu penses qu'il y a des gens qui pensent comme ça? Comment? Qui pensent comme ça? Genre des gens qui sont très forts, qui se disent, ah, Emmanuel. Elle le saura jamais. Enfin, elle le saura jamais quand ça lui arrivera. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des gens. Le seul. Qui se disent, oh putain. Après, c'est peut-être ma façon de penser, mais là, quand je vois quelqu'un de short, je fais, ah, bien joué sur mon truc, tu vois, genre. Ouais. Et je suis pas. Par exemple, bientôt, je vais aller jouer au Goku. J'ai fait un 5 minutes hors chapeau et tout. Pour qu'ils regardent un peu. Et j'ai ce truc où j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont me dire oh, j'aime trop ce que tu fais, viens jouer ici, viens jouer là. J'aime ce truc, j'aimerais arrêter de demander pour jouer sur des plateaux. Moi aussi, je pense à court terme, c'est ce que je kifferais faire. C'est qu'on me met, au moins, ouais, que j'ai 4 scènes et c'est des gens qui me disent ouais, viens jouer, ok, j'arrive. Je kifferais, mais j'en suis pas encore là et on travaille pour. Genre avoir ce truc de. Plus serein de j'arrive sur un plateau, je vais faire mon sûr, ça va marcher d'office. Tu vois? Ah ouais, mais c'est pas. C'est mon objectif c'est pas long terme. Un peu chelou. Genre, enfin, un peu chelou, je veux dire. Ça fait pas un peu peur de se dire tu vas faire ton sûr. Genre, justement, moi, mon but, tu vois, c'est d'arriver sur un plateau et de dire allez, j'ai pas peur de sûr, je m'en fiche. Et. Mais moi, depuis que j'ai commencé le stand-up, j'y vais en disant je vais pas faire du sûr. Bah, moi, tu vois, moi, c'est le problème, c'est que au départ, j'y allais sans faire du sûr parce que j'avais pas de sûr. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis sur un plateau et je me dis bon, on va faire du sûr. Parce que j'ai peur de tester. J'ai trop peur de tester sur plein de choses. Moi aussi. Mais j'ai peur, par exemple. Je suis dans une bulle où je. Je reste dans mon confort, genre, ma zone de confort. Quand c'est des scènes que je refais plusieurs fois, je peux tester. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand des scènes que j'ai jamais fait, il y a des gens que je connais pas ou quoi, j'ai envie de dire, je vais vous montrer ce que je vais faire, les gars. Vous êtes pas prêts. Et je fais mon sûr. C'est pas bien, en fait, de faire ça. Est-ce que vous êtes dans... Si... Bah, je sais pas. Je crois que quand j'aurai 30 minutes de sûr, bah, je prendrai du plaisir à le jouer, en fait. Je pense que parfois, faut arrêter de s'auto-flageller et de dire « Oh non, je vais encore jouer mon sûr. » Bah, fais-toi kiffer, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Ok. T'avais posé une question ? Ouais, je sais plus. Ah oui, est-ce que vous avez ce truc de... comment dire ? De « Ouais, quand je serai stand-upper très fort et tout, faut pas que j'oublie mes valeurs et que je reste bienveillant et que j'aide mes prochains. » De et ouf. Que... Ouais, vous avez ça ? De ouf, ouais. Que j'aide mon prochain. Moi, je me le dis pas encore parce que j'en suis pas encore là. Mais le jour où je le serai, ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. Ouais, vraiment, c'est ce que tu viens de dire, je viens de le dire, en fait. Je viens de dire, pas, j'y pense pas encore, mais le jour où je le serai, ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais du coup, non, mais t'as, genre, moi, je pense que c'est, nous, est-ce que vous pensez avant, que vous deviendrez un connard? En vrai, tellement, mais je suis persuadé que non. Je suis persuadé que non. Ah, moi non plus, ouais. Je serai jamais un connard. Je suis trop, ah, vraiment, moi, je serai jamais. Non, mais jamais, tu vas dire. Dans deux ans, hey. Alors, ça va bercer, connard. Non, mais vraiment jamais, parce que je suis tellement reconnaissant, encore une fois, je suis tellement reconnaissant de jouer. Moi, je me rappelle juste, moi, il y a 2 ans, je jouais pas. Et j'osais pas. Et moi, je suis encore impressionné par moi, qui s'est lancé dans le stand-up. Et moi, mes potes, ils me disent, t'as vraiment les couilles de t'être lancé. Et moi, je leur réponds ce que Shirley avait répondu une fois, surtout toi, t'as vraiment les couilles de faire un métier qui te passionne pas vraiment. Et qui, enfin, tu vas faire ça toute ta vie, quoi. C'est pas un peu prétentieux de dire ça? Non. De quoi t'as les couilles de te lancer? Non, non, l'inverse. Ce que tu disais, t'as pas t'as les couilles de faire un métier qui te plaît pas. Bah quand je lui en parle, il dit alors qu'est-ce que tu, enfin, ça va toi? Il me dit ouais, bah écoute, la routine, c'est pas très passionnant ce que je fais, mais je gagne bien ma vie. Et tant mieux pour lui. Mais je me dis, tiens, il a le courage de faire quelque chose qu'il aime pas forcément, mais il est dans ce truc où c'est le boulot, et après le lycée, il a fait ci, il a fait ça, il gagne de l'argent, il s'est construit une carrière, okay. Donc non, je pense, lui, il voit le courage en moi. Oui, mais toi aussi, tu vois ton courage en toi. Bah, plus maintenant. Là, je pense que c'est bon. C'est-à-dire, c'est bon, t'as passé le pas, ok. Maintenant, sors de ta zone de confort, va tester, mets-toi en danger, va jouer dans une chicha dans l'Ain. Voilà. Fais pas ça. Voilà, c'est ça. Mets-toi dans des bourbiers, bide pour sortir une blague qui va retourner une salle. Mais vous pensez, ça te dérange? Excuse-moi, on est en podcast. J'appelle tout le monde après pour redescendre. Merci. Ils sont comme des oufs. Des gens sont pressés de jouer, excuse-moi. Ça va, il est 23. Bah là, 19h23, ça commence à 20h. Ils abusent un peu les gens. Ah oui, ils sont au taquet. Ah vraiment? Mais tu sais qu'il y a des gens, des fois, pour avoir une date, parce que j'aurais pas répondu, il m'attendait là avant que j'arrive. Ça, c'est insupportable. Tu fais quoi quand c'est comme ça? Tu dis, bah, je vais te répondre à ton message. Putain, bah ouais. C'est... T'as raison. Enfin bon, Il a dit, putain, moi je serais jamais un connard. Et là... Bah non, mais genre... Putain, il m'attendait devant pour demander des dates. Mais non, mais désolé. Mais c'est insupportable. Non, mais Vincent, il répond toujours. Genre, même 3 semaines après, il répond. Pas toutes les... Mais il répond, en général, je réponds, genre, toutes les semaines, je réponds parce que... Quand je fais des line-up et tout ça, je réponds au moins une fois par semaine et je réponds à tout le monde dans l'ordre où on me l'a envoyé. Ouais, ouais. J'essaie d'être au mieux et genre, il y a des gens qui me soulèvent. Il y a des gens qui t'attendent à la sortie. De ouf. Non, mais en fait, moi, ça me saoule un peu. Ouais. Genre. Il y a tellement de gens qui font du stand-up en ce moment. Ouais. Je vois des nouvelles têtes à chaque fois. Moi, j'y pense pas parce que si j'y pense, c'est vertigineux. Quand je vois les gens qui jouent, qui sont très forts, quand je vois des gens qui jouent, qui sont nuls, quand je me vois moi, je me dis, mais il y a trop de gens, il y a trop de monde, il y a trop de. J'ai pas envie d'y penser. Imagine ici quand il y a 25 artistes tous les soirs. Moi je veux plein de nouvelles têtes. Ah bah écoute, à chaque fois je suis obligé de réexpliquer comment ça fonctionne le truc parce qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes. Et c'est là que je me dis waouh. Et genre, par exemple, ce truc, des fois je vois des nouveaux qui arrivent sur scène. Par exemple, t'as peut-être vu déjà Malik. Malik, c'est un gars qui parle. Mais attends, franchement, c'est un petit jeune, il commence. Non, non, Malik, je sais plus comment il s'appelle. Ça y est, je vois qui c'est. Mais tu sais, il parle qu'il est un peu rond et tout. Et oui, je vois qui c'est, Malik, ouais. Bref, mais je l'ai vu, il a débuté le vendeur, je me dis, il est tellement fort. Ah ouais? Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Mais déjà, comme Noelia, vous avez peut-être rencontré déjà Noelia. Moi, j'ai déjà vu Noelia. Ça me dit quelque chose. Tu sais ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle a commencé à passer en tant que ça. Elle parle de... C'est ouf. De quoi? De son accouchement, tout ça. Ah ouais, elle parle de... Incroyable. Ah ouais. Elle est incroyable. Elle a un débit, elle a une vraie... Enfin, elle est très forte. Incroyable, carrément. Ouais. Moi, il y a des gens, des fois, je fais incroyable, c'est incroyable. Ouais, ouais. Mais tu t'es dit ça quand tu m'avais vu? Toi, je me suis dit, ah, je vais lui mettre plusieurs dates pour qu'elle s'entraîne. Ah, je me suis vraiment dit. Ah, je me souviens plus comment ça, c'était où la première fois que je suis venu. Ça va être ici en vrai. Mais oui. Je sais pas, en vrai, des fois il y a pas de nouveau. C'est quand les gens reviennent souvent que je commence à reconnaître le test. Ah, oui, mais tous ces gens là que tu trouves forts, ils vont voir tous les gens qui rigolent, ils vont dire c'est acquis en fait, c'est facile d'être drôle. Et ils vont plus jamais revenir. Et c'est un peu ça qu'on veut. Ça va épurer, ça va épurer. Stop. On fait le ménage là. Non, je pense que. Ouais, mais bien sûr qu'il y a quelques survivants sur les 25, tu vois. Il y en a bien un qui va s'accrocher et tant mieux. Ouais. Moi, je pense que c'est les gens qui s'accrochent qui réussissent. Bah, bien sûr. Ah, ah ouais, mais en fait, il y a des gens qui vont te dire non, il y a aussi peut-être d'avoir un peu de chance, il y a aussi d'avoir ceci, cela. Moi, je pense que c'est les gens qui s'accrochent. Ouais, qui s'accrochent, mais qui à un moment donné ont de la chance. C'est-à-dire, si tu provoques pas cette chance-là si tu t'accroches pas. Si tu t'abandonnes jamais, tu auras de la chance. La chance, en fait, elle arrive qu'à un moment où si tu bosses. En fait, la chance, ouais, elle si arrive. Tu c'est ça, ouais. Mais bah, comme si l'inspiration. Donc, rien n'avait. Il n'y a pas vraiment de chance. Oui, bien sûr. Sa chance. C'est con, mais je te donne un exemple. Tu vois, une blague. Ouais. Je peux m'entraîner tous les soirs, trois fois par. Tous les mercredis, trois fois. Bah, ouais, j'ai créé un peu cette chance de pouvoir m'entraîner régulièrement. Ah, ouais, bien sûr. Complètement. J'ai créé. Complètement. Donc, mais je pense pas qu'il y ait de chance. Genre. Ça peut arriver, mais genre, il y a très peu de personnes qui étaient dans la comic-up qui ont fait une blague, et bim, ce jour-là. Oui, ça te tombe pas. Ils ont retourné ce jour-là exceptionnellement, tu vois. Oui, oui. Alors qu'ils sont d'accord, tu vois, mais je pense qu'il y a. Mais t'arrives à tenir le rythme des mercredis, c'est dur ou pas mentalement? Ça va maintenant que je bosse plus. Moi, je vous dis, par exemple, là, j'ai le chômage pendant encore un peu moins d'un an et demi. Si dans un an et demi, je reprends le boulot, j'ai pas abordé une blague, mais il y aura pas trois sessions. Il y aura peut-être une ou deux, mais il n'y aura pas trois sessions. Trois sessions, mec, ça doit être crevant. Il y a 25 humoristes. Tu vois, je réponds à 25 humoristes toutes les semaines et tout. C'est 25 humoristes, non, même pas. À plus, tu vois, parce que je dois, ceux qui m'envoient des messages, tout ça, ouais. À beaucoup de gens. Et comme tu dis, il y a tout le temps des nouveaux. Donc, ça prend du temps. C'est... Mais grave, hein. C'est ça, c'est. Respect, Vincent. Mais franchement, gérer un plateau, c'est long, c'est. Mais c'est beaucoup de charge mentale aussi. Est-ce que le bar il va avoir tout bien installé pour moi? Est-ce que la com est bien faite? Est-ce que j'ai fait le line-up? Enfin, ils avaient tout ou t'avais La première scène, tu vois, c'était horrible. C'était La toute première scène. Ils n'avaient pas les enceintes qui étaient là. Ils n'avaient pas de lumière. Le micro il buguait. C'était horrible. La toute première était horrible. Je me souviens, il y avait Zach et David. Vous connaissez peut-être Zach, c'est la touffe. Oui. Ouais, non. Enfin, ça c'est Zach. Ouais, tu parles de qui? Zach et qui? Zach et David. C'est un duo. Oui. Non, je vois pas qui. Enfin, c'est un duo, c'est pas un duo, mais genre, ils travaillent beaucoup ensemble. Il y avait Zach, David, il y avait Malika Bianco. Oui, je vois qui c'est. Et c'était une galère pour te dire, il y a Malika Bianco, moi qui viens de voir. Vincent. Et je vais pas jouer. Il me dit, je vais pas jouer parce que c'est trop galère, tu vois. Et je peux comprendre, je lui dis, après, je t'en voudrais pas. Mais c'était très très dur la petite première. Et après, la deuxième était mieux et tout, et par la suite, on en est là, tu vois, mais... J'aime beaucoup la dispo comme ça. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je trouve que ça fait plus comedy club, ça. Ouais, franchement, c'est mieux comme ça, ouais. Je vais laisser sur une dernière question. Petite question de fin que vous avez tous entendu. On va commencer par toi, Jordi. Jordi, est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle? Est-ce que l'avenir sera drôle? L'avenir est très inquiétant, d'un point de vue climat, mais ce qui fait... On va avoir beaucoup de blagues à raconter. Voilà, je pense que plus quand il y a des choses, quand il y a des mauvaises choses, quand il se passe des choses pas bien, je pense que c'est là où on fait des blagues magnifiques. Je pense que quand on est dans la gêne, quand on est dans quelque chose qu'on n'aime pas, je pense que c'est là, quand tout va bien, c'est nul. Alors que quand tout va mal, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a comme blague. Donc voilà, est-ce que l'avenir sera drôle? Ouais, Je pense que l'avenir sera très très drôle. Et est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle avec Jordi? Oui. Sans commentaire. Je pense que l'avenir sera drôle avec Jordi, d'ailleurs. En tout cas, et même si vous voulez pas qu'il sera drôle... Je laisse mon avocat en parler. Je ferai en sorte que l'avenir sera drôle avec Jordi. Voilà. Je ferai en sorte que l'avenir sera drôle. Ouais. Parce que j'ai très peur pour la suite. Là, il parle de l'hiver. Va falloir moins consommer. Il y a peut-être une guerre nucléaire. Vous avez allumé votre chauffage? Non. Moi non plus. Toi, oui. J'ai voulu allumer hier. Il y avait de la poussière dessus. Ça commence à cramer. ça a senti le brûler chez moi. J'ai dit vas-y, j'allumerai plus tard. Je préfère avoir froid que ça pue le cramer chez moi. Attends, tu t'es pas dit on va passer un petit coup de chiffon? Si, j'ai voulu et j'avais la flemme. Donc, mais je t'ai dit la poussière chez moi, la poussière. C'est n'importe mais quoi. Mais il faudrait travailler quand tu sais toi ou... Non, pas du tout, mais il y a de la poussière qui s'est incrustée. J'ai tapé radiateur odeur brûlée. Oui, quand le radiateur n'a pas servi pendant quelques mois, il y a de la poussière qui brûle et que du coup ça fait une odeur un peu de brûlé. Bah moi, il s'agirait de nettoyer. Ouais, je sais, j'ai du Swiffer chez moi. Mais n'hésitez pas à acheter des rideaux thermiques à mettre aux fenêtres pour le froid. Genre ça fonctionne de ouf et c'est pas si cher que ça. C'est quoi? Rideau thermique. Ouais, ça coûte une vingtaine d'euros le rideau, tu vois. Ouais. C'est un peu cher sur le coup, mais tu vois, ça protège un peu du froid et ça permet de ne pas mettre de chauffage tout de suite. Genre le chauffage, tu pourras le mettre à partir de mi-novembre, tu vois. Est-ce que vous aussi, quand vous mettez votre main comme ça, très proche de la fenêtre... Il y a du vent? Ouais, un petit air froid et une Ouais, grave. J'ai trop le seum. Moi aussi. Parce que normalement, le plus d'une fenêtre, c'est de pas laisser passer froid. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Et c'est ça, c'est de. Je vais peut-être mettre des rideaux thermiques du coup, ouais, grave. Je savais pas que ça existait, rideaux thermiques. Rideaux thermiques. Ouais, non, vraiment, c'est trop bien. Sur internet, où vous voulez. Vous voulez. Non, c'était pas un rideau coupe-son qui est beaucoup plus cher. Mais ça, moi, c'est là, c'est calme là où je suis. Ça, si je mets ça à ma tête, j'ai plus froid de tout l'hiver, c'est sûr. Vu l'épaisseur du rideau. Ah mais, ouais, coupe-son, ça coupe le froid aussi. Ouais, ça coupe le froid aussi, mais. Waouh, ça coupe les légumes. Ça coupe la parole, ça coupe tout. Il n'y a qu'un Inca qui coupe la parole. C'est vrai que depuis le début, j'ai fait beaucoup. Non, en vrai, je trouve que ça va. Ah ouais. Ça va. On ne sait pas chier dessus tous les deux. Mais du coup, Inca, est-ce que tu penses, toi, que l'avenir sera drôle? L'avenir des gens, je ne sais pas, mais mon avenir sera drôle, ouais. L'avenir sera drôle pour personnel. Est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle? Les autres, je sais pas, mais moi, ça sera dans le loup. Bah oui, il y a des gens qui n'ont pas une vie facile, c'est pas marrant. Non, mais parce qu'il faut le vouloir de rire. Vraiment, t'écoutes des gens, parfois tu. Ouh! Faut le vouloir, c'est pas marrant. Oui. Je pense qu'il y a des gens, ils veulent pas rire. Bien sûr, gars. Non, ah ouais, t'as jamais parlé à des gens qui vraiment ils sont pas OP pour blaguer, quoi. Mais des fois, mes collègues, j'essaye de faire la petite blague, ils sont pour eux, c'est marrant. Ah, mais c'est pas le moment pour eux. Pour nous, c'est toujours le moment. Il y a toujours une petite blague, Oulette. Mais alors, eux, je suis aigri, d'accord? Donc après. Non, mais vous connaissez pas des gens que vous avez jamais entendu, vous les avez jamais vus rire? Des gens qui veulent pas rire? Ouais. Mais après, ouais, ça dépend le moment aussi, hein. Non, mais genre, bien ta maison, sûr. Elle brûle, je suis pas sûr que t'as envie de faire une petite blague. Ah, ça sent un peu brûlé. Genre, bien non, très peu, tu vois. Bien sûr, mais. Tu fais une story. Mais ta maison, elle brûle pas H24. Genre, quand elle a fini de brûler, tu te marres sur d'autres choses. Mais oui, parce que tu veux dire. Non, mais... mon avenir sera drôle parce que je voudrais rire. Je pense que vous aussi, votre avenir sera drôle. Oui, non, parce moi. Parce que vous voudrez rire. Moi, ce que je pense, c'est que je pense que les années qui vont arriver vont être très très dures pour nous tous. Et donc, on est là pour que l'avenir qu'on va tous vivre sera très très drôle. Tu fais ça pour les gens, toi? Tu fais ça pour le bien commun? Franchement, ouais. Ah, s'il n'y avait pas les gens, je serais pas drôle. S'il n'y avait personne pour m'écouter, je serais pas drôle. Ouais, mais tu genre. Fais pour toi, non mais moi, je vais. Perso, en fait, c'est fait pour moi. C'est la première fois que je le dis. De faire rire les gens. Je dis dans ma tête, mais c'est la première fois que je le dis pour moi avec des gens. Mais je crois que. Parler avec moi, c'est un libérateur. Attendez, parce que vous pensez. Être un gros connard. Attendez, les problèmes, mon père. Parce que non, mais attendez, s'il n'y avait personne, vous seriez drôle s'il n'y avait personne? Non, c'est pas ce qu'on dit. Ah, c'est quoi? C'est que, en fait, genre, moi, si je fais du stand-up, je suis content de faire rire des gens, évidemment, je suis content. Ouais. Mais à la base, c'est pour moi. C'est pour moi, je suis content. Je suis content d'être drôle, tu vois, moi. Ah oui, mais je pense que c'est un peu des deux, parce qu'évidemment, tu fais pas ça par... faut pas que ça nous soit meurtré au fond de nous, genre vraiment, on fait ça pour... Je me sacrifie pas, ce que je veux dire. Il y en a qui le disent, parce que je sens que les gens ont envie de rire, je le fais pour eux, tu vois. Ouais, mais c'est prétentieux quand même. Moi, je trouve ça un peu prétentieux. Oui, oui, oui. Non, non, je le fais pour les gens, mais il y a moi, dedans. Quand je dis les gens, il y a moi dedans. Ouais. Et puis, j'ai pas envie d'être là, mais pour vous, je me sacrifie. Bien sûr. Mais oui. L'avenir sera drôle. Et du coup, parce que. Oui, vas-y, bah, excuse-moi, finis. Juste, l'avenir sera drôle parce qu'on voudra en rire. D'accord. Et est-ce que tu penses que l'avenir sera drôle avec Annika? Bien sûr. C'est une évidence. Que des gens très sûrs d'eux. 98%. Tu vois, et après ce podcast, t'as combien de pourcents aujourd'hui? Franchement, je suis à 65 déjà. Non, je rigole, non, pas du tout. Je suis toujours à 70, mais en devenir de 80. Ok. Donc pourquoi vraiment, on tend. Il te manque quoi? Un verre d'eau? Non, non, une carrière. Il me manque une carrière et je pense que je suis bien. Une carrière et un verre d'eau quand même. Parce que là, je peux pas dire, ouais, je fais carrière dans le stand-up. Pas du tout, pour l'instant, je fais. Enfin, ah, moi, je travaille ma carrière dans stand-up. Ah, là, de toute façon, ah oui, bien sûr, mais je peux pas dire j'ai une carrière, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit tu fais du stand-up, ouais, j'ai une petite carrière qui. Non, pas du tout. Pour l'instant, il manque le C. Arrière. Pardon. L'avenir sera pas drôle avec Jordi, finalement. Non, mais je voulais. C'est quoi? Ouais, bon. Non. Enfin, je sais pas. On est en fin de. J'ai pas de carrière. Il y a un C en trop. J'ai dit, bah, t'as pas d'arrière non plus. Si, si, mes arrières, mais. T'as des arrières? Ouais, j'ai. Ouais, ouais. On a tous un cul, quoi. Je fais gaffe à mes arrières. Oh, waouh! Wow. Genre, c'est là. Merci. Ok. Et pour toi, ouais, Vincent? Vincent, est-ce que l'avenir sera drôle avec Vincent? Avec Vincent, en général. Alors les deux. Oh, mais réponds aux deux. Non, les deux, Est-ce que tu penses que, est-ce que l'avenir sera drôle? Parce que je sais que toi aussi, t'es. Ouais, moi, je pense que. Pas du tout. L'avenir il sera pas drôle, mais j'espère ne plus être là. D'un point de vue humanité, tu veux dire? D'un point de vue de l'humanité, tu veux dire? Ouais, mais en général, ouais. Mais j'espère vraiment. Moi je fais des efforts et tout, tu vois, je suis vietnamien et tout, pour sauver un peu la planète. Mais j'espère que le jour ça partira en couille, j'espère vraiment que je serai pas là. J'espère vraiment que je serai pas là. Moi, et que jusqu'ici. Ça, Mon dieu, mais tu me fais peur, vas-y. T'as vu avec ces yeux là? Moi j'attends que ça, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire je pense que l'avenir il sera pas drôle d'un point de vue climato, de l'écologie, on va un drame, mais je pense que c'est là où nous on va être, on va devoir être des acteurs Est-ce que les gens vont vouloir encore nous voir? Genre il y a d'autres problèmes. Pour l'humanité. Hein? Non, pour lui c'est une mission pour l'humanité. En vrai je le vois comme une mission maintenant. Personne va venir voir nos spectacles si ça part en couille, si ça part en Oui, bien sûr. Demain, tu crois que. Oui, mais quand, le problème, c'est qu'on. T'as payé en guerre, il y a des humoristes. Mais on sait pas comment ça va partir en couille. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si ça part en couille, je pense que les gens voudront rire. Je sais pas. De prime abord. Après, on verra comment. Bah, en vrai. On verra à quel point ça part en couille. Mec, on a très bien vu avec le Covid. C'est que oui, les gens riaient du masque et de machin, mais confinés. Donc, tu vas pas vendre des places comme ça. Bien sûr. Les gens ont envie de rire, mais pas dans les salles. L'avenir sera drôle. L'avenir sera drôle. Et ben, je vais vous laisser sur Mais attendez une seconde, est-ce que l'avenir sera drôle avec Vincent Barra? Il y a intérêt. Il y a intérêt qu'il soit drôle. Mais il sera drôle, c'est sûr. Merci à vous deux. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Alors, je suis désolé, il y a quelques personnes que vous avez vues qui sont intervenues pendant le podcast. Parce qu'en fait, on enregistre dans la cave du Nul Blague Ailleurs. Enfin, le bar s'appelle le Nul Barrieur. Mais j'organise du stand-up là-bas. Ça s'appelle le Nul Blague Ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir, c'est tous les mercredis 20h, 21h15, 22h30. Du coup, des gens sont venus se poser avant le spectacle. J'aurais dû être remonté, je suis désolé pour ça. Mais j'avais la flemme de couper. Hein. J'avais la flemme de prendre le temps de tout couper. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, ça va le faire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.